Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parlons Cinéma, l'émission où on discute des actualités cinématographiques qui nous ont marqué durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 21, où nous parlerons des actualités du 15 mars au 24 avril, date d'enregistrement de ce numéro. Je suis Axel, votre hôte durant cette émission. J'ai le plaisir d'avoir avec moi un invité qu'on avait reçu durant l'émission 18, donc c'était en novembre. Donc on n'a pas pu l'avoir plus tôt malheureusement, mais maintenant il est là, c'est Adrien, salut. Salut Axel, salut tout le monde. Et comment tu vas? Ça va bien, écoute, un peu malade là avec la reprise du froid et puis oui. Un peu sonné par les élections, mais bon, écoute, il faut vivre après tout, hein, donc oui, on est bien. Ouais. Depuis qu'on avait enregistré en novembre, tu as un podcast. Donc, ah oui, c'est ça, oui, ouais. On a commencé l'enregistrement de notre podcast des Four Horsemen avec des amis voilà qu'on a rencontrés sur Twitter, des critiques. Donc c'est un peu des critiques de cinéma, des débats par exemple. Le dernier c'était sur Grave, on avait parlé de cinéma français, ce genre de choses. Donc ouais. On essaie vraiment de parler à la fois de l'actualité et aussi de rester un petit peu dans une atmosphère conviviale et pas de partir dans la critique pontifiante ou dans le... On essaie vraiment que ça reste une discussion de potes avant tout, en fait. Oui, bien sûr. De toute façon, j'en avais déjà parlé sur les réseaux sociaux de Movies Nerd et tout ça. Mais bon, si... Oui, j'ai vu ça. Si... Vous êtes notre principal soutien, ça fait vraiment plaisir. C'est normal, mais en plus, moi, j'écoute tous les j'ai écouté tous les épisodes et je trouve ça très bien, donc... C'est pour ça que... Merci. Je t'en prie. Donc, si vous n'avez toujours pas écouté, allez jeter une oreille là-bas, plutôt. De toute façon, on en reparlera à la fin de l'émission. On va commencer tout de suite avec la première news. Donc, c'est le film prochain Pixar, donc la bande-annonce de Coco, qui se passera dans l'univers mexicain, le jour des morts, etc. Un univers aussi assez musical. Donc, toi, tu as vu la bande-annonce? Oui, j'ai vu la bande-annonce. On avait même vu des images, oui, c'est ça, en convention déjà. Donc, avant que la bande-annonce sorte, on n'avait pas rare d'en parler. Donc, maintenant, comme c'était exactement les mêmes images, sauf que c'était monté différemment. On a le droit, donc je peux dire que ça ne me branche pas du tout. D'accord. Mais le pire, c'est que c'est toujours une mauvaise surprise pour moi, parce qu'en fait, moi, je suis fan de Pixar. Je veux dire, les Indestructibles, c'est dans mon top 10 des films à voir en une vie. Et vraiment, j'aime énormément de leurs films, même les récents que certains n'aiment pas, comme Monstre Academy. Je sais qu'on est deux à vraiment. Voilà, c'est ça, parce que je trouvais que c'était. Moi, je le place même au-dessus du premier, parce que je trouvais que c'était vraiment une nouveauté. C'était très osé. Non, il était très bien. Pas Cars 2 comme tout le monde, mais. Voilà, donc là, moi, le problème, c'est que je suis fâché avec Pixar depuis 2-3 films, puisque j'ai pas aimé Vice Versa. J'ai vraiment pas aimé ça du tout. le voyage d'Arlo, j'en ai vu des extraits. J'ai tellement trouvé ça niais et épouvantable que je t'avoue que je peux pas vraiment en parler parce que je l'ai pas vu en entier, mais vraiment, visuellement, ça ne me parle plus. Le problème, c'est visuellement, c'est ça me parle plus du tout, Pixar. D'accord. Et là, pour Coco. Alors, non seulement, les thématiques, la fête des morts, pourquoi pas, mais non seulement l'univers mexicain, ce genre de choses, vraiment, c'est pas que ça me parle pas, c'est que j'y connais tellement rien que, même quand ils ont fait le James Bond pendant ce temps-là, voilà, je trouvais ça beau à regarder, mais j'y connais tellement rien en folklore mexicain que ça passe complètement à côté. Mais surtout, voilà, je trouve que niveau. J'ai l'impression qu'on va encore nous vendre de l'émotion. Le fait qu'ils se réclament plus de Lao, de Wally et vice-versa que de leur précédent. Marque qu'il y a vraiment une rupture avec moi, parce que moi, c'est pas du tout ces films-là que je considère comme leur grand classique. Quoi. Je sais que je suis un peu minoritaire dans cet avis-là. Moi, en fait, pour moi, l'émotion chez Pixar, elle se trouve souvent dans la simplicité et pas dans la recherche à tout prix de l'émotion. Mm-hmm. C'est là que, par exemple, leur monde de Dory fonctionnait, je trouve. C'est pas la recherche absolue de l'émotion, c'est qu'il y a toujours une légèreté et l'émotion vient toute seule. Mm-hmm. Et là, dans ce que j'ai vu dans la bande-annonce, c'est vraiment des espèces de grands plans larges, avec lui qui est sur sa guitare, qui est à moitié couché dessus, qui a les yeux embués de larmes, enfin, ça me parle pas du tout. Et du côté de l'univers des morts coloré, je sais que ça vient du folklore mexicain, mais la manière dont ça m'a l'air traité dans la bande-annonce, pour moi, c'est les noces funèbres. Et un truc qui se base autant sur... Il paraît qu'il y a un truc qui s'appelle La Légende de Manolo aussi. Oui, justement, j'allais te demander si tu l'avais vu ou pas. Non, je ne l'ai pas vu, c'est pour ça que je ne peux pas en parler. Moi, je peux comparer qu'avec ce que je connais. Et moi, je connais très bien Les Noces Funèbres et je trouve que vraiment, Le design des squelettes, je trouve ça extrêmement troublant quand même. C'est C'est. très très proche. Ouais, c'est vrai que c'est assez proche. J'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, Voilà. c'est vrai Moi, le truc, c'est que c'est un de mes films préférés. Alors, du coup, D'accord, ok. je t'avoue que la première fois que j'ai vu les images, j'ai un peu râlé tout seul devant mon écran, enfin, de la D'accord. convention, discrètement. Mais donc, voilà. Donc, c'est un film, j'irai le voir forcément parce que c'est le nouveau Pixar et parce qu'il faut bien que je continue à m'informer et que je peux être surpris par le film. Mais pour moi, ça part pas. C'est pas que ça part mal, c'est que voilà, je suis pas intéressé plus que ça, quoi. D'accord, ok. Ben moi en fait bon, ça sera une surprise pour personne que je suis un fan absolu de Pixar, que Coco était dans mes 5 attentes de 2017. Je crois Ah même que c'était oui, le je m'en souviens. troisième, ou Il quelque était chose très comme très ça. haut, je m'en souviens. Ouais. Avant même d'avoir vu une seule image, hein. Oui, C'est juste parce pour qu'il y dire. avait écrit Pixar dessus, quoi. Pixar, En et quelque parce sorte. que en fait, parce que j'adore le folklore mexicain depuis que je suis Ah oui, petit. d'accord, oui. Je comprends. Enfin, c'est pas. J'arrive pas à me baser sur une expérience passée de comprendre d'où ça vient, mais je suis fasciné par le folklore mexicain, le jour de la mort et tout ça. C'est pour ça que justement j'ai vu Manolo et que j'avais vraiment adoré. Bon, c'est aussi parce que c'est produit par Guillermo del Toro et qu'il y a un peu sa touche, mais aussi parce que c'est basé beaucoup sur le folklore mexicain. Et là, Ouais. en fait, là, j'aime beaucoup le design. L'histoire, bon, on n'en sait pas grand-chose. Ça a l'air d'être une histoire un peu père-fils ou. Je sais même pas si c'est un. Si c'est un garçon. Si c'est ça, c'est un garçon en fait qui a pas son père, c'est ce que j'ai Ouais, cru voilà, c'est comprendre, hein, ça, et ouais. qui le fantasme en grand joueur de guitare, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Et voilà, moi j'aime beaucoup le folklore mexicain, j'adore la musique aussi. Et ce qui est assez fascinant à voir, c'est que ils ont vraiment pris. Ils sont vraiment attachés aux détails, parce que les cordes qu'ils jouent, c'est vraiment. Enfin. Oui, ça, et on C'est, en avait ouais. beaucoup parlé en convention, que c'est Ouais. vraiment très très fidèle à ce niveau-là. Ouais. Donc ça, c'est intéressant, ça, c'est des Ouais. performances techniques Ouais. intéressantes. C'est vraiment assez intéressant et je pense que ça pourrait. Alors, on en a vu assez peu quand même, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer au-delà de quand il va passer dans le monde des morts, Oui, on sait puisque. pas tellement ce que ça raconte, je trouve, Voilà, mais finalement. c'est toujours ce qui est bien avec Pixar, c'est que leurs bonnes annonces sont bien faites parce que souvent c'est les 15 premières minutes du film qui te montrent et après tu es surpris. Oui, ça c'est vrai, tu sais jamais trop. Ça c'est vrai que c'est une bonne chose. Dans ces trailers, comme on a toujours tout à côté, c'est vrai que c'est plutôt louable comme. Ouais, voilà. Et donc ça, j'apprécie beaucoup. Donc moi, je suis très hypé pour le film. Ça sortira le 29 novembre 2017 en France. Ah oui, c'est réalisé par Lee Unkrich, qui avait fait Toy Story 3. Donc c'est encore pour moi un gage de Ah bah ça qualité. j'ignorais. Bon ça oui, ça c'est vrai que Toy Story 3, ça j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Ouais. Ce sera le deuxième Pixar de l'année 2017 après Cars 3 qui sortira le 2 août 2017. Donc on verra ce que ça donnera ça aussi. Le pire, c'est que je suis plus intéressé par Cars 3 alors que Ah j'ai bon? détesté le 2. Ouais, non, j'ai détesté le 2, mais là, les images qu'on en a vues, je trouve que c'est limite photoréaliste, quoi. Et ça, vraiment, Ouais. c'est vraiment. La performance technique me parle. Je sais pas ce que ça racontera, j'espère qu'ils vont se calmer parce que Cars 2, c'était épouvantable. Ouais, c'est Voilà, le pire film, vraiment, quand j'ai vu ça, je l'ai vu ouais. juste après Cars 1 en plus, non, c'était Ah épouvantable. oui. Et du coup, là, celui-là, voilà, ça m'a l'air plus dans. Ça m'a l'air un peu dans la veine des Rocky récents, tu sais, par exemple, Ah oui. avec le côté un petit peu vieux combattant qui revient, et c'est vrai que c'est un personnage, Steve McQueen, non Flash McQueen, c'est vrai que c'est un personnage à qui on s'est attaché, mais voilà, Qui est j'espère qu'ils devenu vont très pas trop, commercial aussi, hein. voilà tout à fait, mais j'espère qu'ils vont pas trop s'appuyer sur l'attrait qu'on a pour le personnage, parce que je pense que personne ne l'a dans son top 5 des meilleurs personnages Pixar, quoi. Non, je pense pas. Enfin, Ouais, donc si, j'espère qu'ils les se. enfants qui ont grandi avec, Voilà, c'est ça. les J'espère qu'ils se futurs, basent pas trop sur ouais. notre amour du personnage en tant C'est qu'adulte, ça, ouais. surtout, quoi. J'espère que c'est qu'il. Parce que c'est. Ils risquent d'avoir une déconvenue s'ils font ça, je pense. Ok. Voilà, donc on vous a parlé de Coco, un peu de Cars 3 tant qu'on y était. Et on va passer maintenant à Matrix, à l'univers de Matrix. Donc, on a eu deux news. La première, c'est que enfin, chez Warner, ils évoquaient la possibilité de faire un remake ou un reboot de Matrix. Donc là, tout le monde s'est mis à crier. Enfin, justement, j'ai envie de dire, parce que s'il y a bien un film qui est assez sacré et qui, enfin, pour moi, ne pouvait pas être touché, c'était Matrix. Et là, ils allaient y toucher. Donc voilà, en plus, on n'était pas sûr que Keanu Reeves ou même les Wachowski soient de la partie. Donc là, encore plus de bashing du côté de chez Warner. Et On a appris plus après, justement, que ce serait plus des univers, des films sur l'univers étendu. Oh là là, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, je suis désolé. Les films sur l'univers étendu de Matrix, dont un film centré sur Morpheus. Donc voilà, ils veulent faire un univers étendu sur Matrix, peut-être sans les Wachowski. Il y a le scénariste qui va s'occuper du film, on ne sait pas vraiment de quoi ça va parler, c'est peut-être sur Morpheus, Mais pour on sait l'instant, le projet, vraiment, on n'en sait rien du tout, pas. quoi. Voilà, c'est Vraiment, il ça. n'y a rien qui a filtré là-dessus. Moi, je me demande presque si c'est quelque chose de sérieux, en fait, parce que Ben, j'ai l'impression que c'est une idée. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de synopsis. le scénariste qui va s'occuper du film a tweeté à propos de ça pas mal. Et donc c'est Zack Penn qui s'est occupé de X-Men 2, X-Men l'affrontement final, Avengers et prochain Ready Player One de Steven Spielberg. Et Ah, d'accord. il en a beaucoup parlé, qui prenait pas ça comme un reboot ou un remake, et que s'il devait recaster Keanu Reeves, il utiliserait Keanu Reeves et personne d'autre. Enfin voilà. Donc on n'en sait pas beaucoup plus. De ce que tu en as entendu, pardon, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi déjà il y a plusieurs choses. Il y a la chose déjà que moi qui apprécie Matrix, je suis pas non plus à l'ériger dans, c'est pas du tout dans mon top 10 des plus grands films de D'accord, science-fiction, et je ouais. trouve qu'en fait c'est non pas un film surestimé, je dirais pas ça parce que c'est un peu prétentieux, je dirais que c'est un film voilà qui a son potentiel de divertissement, mais je trouve que ça n'allait souvent pas plus loin, et que je trouve que voilà le côté mythe de la, je trouve qu'on en a fait quelque chose en fait de vachement intelligent, de vachement brillant, ce genre de choses, alors que je trouve que c'est un film qui aurait pu rester culte tout en gardant sa part, je dirais, de divertissement. Et je trouve qu'un petit peu la manière dont les gens se sont emballés sur Matrix ont fait que derrière on a eu le 2 qui, pour le coup, assumait complètement sa part de divertissement, Oui, ouais. puis le 3 qui était un mindfuck incroyable, on comprenait rien, et Ouais. quoi, avec un final qui était quand même d'une prétention rare, je trouve. Oui. Alors depuis, on a Wachowski. les sœurs Wachowski qui ont enchaîné, je trouve, les films les plus mauvais les uns que les autres, jusqu'à Jupiter Ascending, qui est encore dans ma mémoire, et qui a failli me fâcher avec Eddie Redmayne jusqu'à la fin des temps. Donc j'ai envie de dire que là, maintenant, moi, un reboot de Matrix à ce moment-là, ou un remake, ça pourquoi pas, parce que j'estime qu'en fait, on est dans un monde hors 2017. Moi, je suis toujours fan des remakes, je crois que j'en avais parlé à la dernière émission où je suis passé. Et voilà, donc on est dans un univers maintenant qui est très informatisé, et où la vision de l'informatique est très différente de l'époque de Matrix. Donc je Oui, pense que c'est ça peut vrai. être intéressant, si on met quelqu'un de bien derrière, de faire non pas un remake, mais une nouvelle histoire dans l'univers de Matrix, comme pouvaient l'être un peu les courts-métrages dans Animatrix. Oui, voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant. Faire revenir Keanu Reeves, pour moi c'est le contraire. Moi je veux pas du tout voir un Matrix 4, ça m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore comme histoire de rédemption, comme histoire de oh, je me souviens comme j'étais jeune, maintenant j'ai changé, alors qu'avec Keanu Reeves qui est toujours pas devenu un bon acteur entre-temps, enfin non, pour moi c'est pas possible. Donc quel que soit le projet, je pense que j'irai le voir, mais j'irai le voir avec un œil plutôt positif, en sachant que pour moi de toute façon ça ne pourrait être que mieux que ce qu'est devenu Matrix au fil des temps, et que je sais que j'en attendrai pas quelque chose d'énorme, parce que je n'ai jamais considéré Matrix comme un pan de la science-fiction. D'accord, ok. Moi, c'est un de mes films cultes, le premier, je tiens à le dire, Ouais. parce que les deux, enfin, le deuxième, j'aime bien, franchement. C'est rigolo le deuxième, je veux dire, Ouais, le c'est deuxième agréable. est vraiment sympa, c'est agréable à regarder, il n'y a pas de souci. Et le troisième, bon, voilà, on va pas en parler parce que c'est un peu. Ouais. Donc voilà, Matrix, j'aime beaucoup le premier, en tout cas. Et c'est dans mon top 20 de tous les temps, je pense qu'il y est. Donc, de faire un Matrix 4, non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Voilà, je sais pas qui a envie de voir ça, quoi. Enfin, je veux Non, dire, non, non. l'histoire de Neo, elle est finie quand même. Bah Enfin, il y a oui. eu une espèce d'ouverture à la fin du troisième film, mais c'est tout, quoi. Oui, non, non. Normalement, l'histoire de Neo est finie. On n'en parle plus. Et puis voilà. Mais un univers, enfin un film sur Morpheus ou un film sur n'importe qui dans l'univers de Matrix, ça pourrait m'intéresser. Ça, pour développer un peu Sur plus l'architecte. l'univers, ouais, ça serait sympa. Mais ouais, non, enfin l'univers, je pense, a plus à donner que ce qu'on a pu avoir, que ce soit en jeu vidéo, en animé ou en n'importe quoi. Donc je suis toujours curieux, Mais voilà, tant qu'il y a les bonnes personnes, comme tu as dit avant, s'il y a les bonnes Voilà, c'est personnes ça. derrière, je serai beaucoup plus confiant que je le suis maintenant, on va Et dire. moi, la seule question que je me pose dans les souvenirs de Matrix, c'est s'ils font un spin-off sur quelqu'un qui est dans la Matrix, donc que ce soit Morpheus, que ce soit l'architecte ou quoi que ce soit. Je me demande comment ils feront ça, parce que on n'a aucune idée, je trouve, le film ne donne aucune idée de la temporalité, en fait, dans la Matrix. Est-ce que Morpheus a un passé ou un futur, ou est-ce qu'on raisonne comme ça dans le monde parallèle? Je trouve que la question n'est pas vraiment résolue. L'architecte, dans quel monde il vit, enfin, je veux dire, c'est complètement différent. Donc je me demande, il faudrait vraiment révolutionner, c'est ce qui pourrait être intéressant, révolutionner la temporalité dans le film. Et peut-être en faire pas un début, pas une fin, ça pourrait être intéressant, ça, mais encore une fois, je sais pas comment on peut construire ça sans mettre quelqu'un de brillant à la barre. Ouais, c'est vrai. C'est effectivement. Donc, on attend des gens brillants. J'espère que Voilà, c'est ça, des Marner gens brillants saura les qu'il faut, ouais. trouver pour faire ses films. Voilà. Qui pourront me faire dire j'adore Matrix. Ah oui, tant qu'à faire. Un autre remake, enfin on n'est pas vraiment sûr, mais donc projet de remake de La Mouche, de film de David Cronenberg classique, enfin au moins culte, on va dire, chez La Fox, qui a trouvé son réalisateur. Donc c'est J.D. Dillard son premier long métrage c'est Slate, et qui est inédit en France mais qui a fait sensation à Sundance l'an dernier. Et voilà. Donc on n'en sait pas vraiment plus. Ils veulent faire un remake de La Mouche. Moi j'aime beaucoup La Mouche. Le film original de David Cronenberg. J'ai pas vu les suites parce qu'apparemment c'est pas terrible. Est-ce que t'as vu le film original? Et ben moi je vais te dire plus que ça, non seulement j'ai vu le film original, mais j'ai aussi vu le film original de l'original, puisque La Ah Mouche de Cronenberg est déjà un remake en fait oui. de La De, Mouche un Noire, remake qui était de. un film de monstre qui était très bien Ça, foutu. ouais, des années 50, ouais. Et voilà, c'est ça, Que vraiment, je moi n'ai c'est pas du vu, mais. cinéma qui me parle vraiment beaucoup, c'est du cinéma, c'est vraiment si tu veux, c'était la période, vraiment la grande période du cinéma de monstre. Donc ce qui fait que vraiment, moi, La Mouche Noire, ça fait partie vraiment des films que je considère qu'il faut avoir vu. Après, derrière, on a La Mouche de Cronenberg, qui effectivement est un excellent film, parce qu'il est parti du principe qu'en fait, on pouvait raconter de manière beaucoup plus organique cette histoire, l'histoire de la Comme tout mouche. son cinéma, hein. Tout à fait, et ça fonctionnait, surtout la première période en fait, parce que dans la deuxième période, il est parti dans des trucs plus intellectualisants, beaucoup plus sur le, mo beaucoup moins sur le physique et beaucoup plus sur les... sur le discours. Mais là, en l'occurrence, du coup, pour ce remake de La Mouche, en fait, moi, je serais presque satisfait s'ils en faisaient un film de monstre comme l'était le film original des années 50. Moi, je serais content. Je veux pas du tout qu'ils en fassent quelque chose d'intellectualisant ou quelque chose, voilà, très sérieux, avec un ton sentencieux, des enjeux de malade. Moi, ce que je veux, c'est, pour une fois, je voudrais bien un petit film, moi. Un La Mouche, pas forcément un remake, De la un petit Fox, film. ce Voilà, c'est sera. ça le problème avec la Fox, c'est que Voilà, c'est déjà ça. ils donneront pas les mains libres à celui qui le fera, donc ils vont absolument vouloir coller un film de Cronenberg, et je pense que ça risque de tourner court très vite. Mais moi, s'ils font quelque chose de pas forcément gore, d'un peu angoissant et d'un peu, voilà, avec un peu d'émotion comme La Mouche Noire, où voilà, on se sentait quand même un petit peu proche de ce personnage-là qui subissait une métamorphose épouvantable. Voilà, pourquoi pas, moi c'est un projet, je suis pas opposé du tout à l'idée, mais j'estime juste que s'ils en font un petit film, voilà, ça me conviendra très bien, quoi. Je suis d'accord avec toi. Malheureusement, je n'ai pas vu La Mouche Noire, j'en ai beaucoup entendu parler, je sais qu'il faut que je le voie. La Mouche de Cronenberg, bien sûr, c'est un film que j'apprécie beaucoup, pour toute la dégénérescence physique, etc. Et puis pour son côté transportation avec les téléporteurs, Ah oui, c'est je sais pas fascinant, si. sur ce que si... ça dit du corps Ouais, humain, c'est ouais. fascinant, on a Et rarement vu puis ça, même quoi. de la téléportation, hein, enfin c'est. C'est quelque chose Ouais. qu'on ne voyait pas, qu'on n'avait jamais vu. Et je trouve que l'idée est vraiment intéressante. Le scénariste qui a trouvé cette idée. Alors je ne sais pas s'il y avait déjà cette histoire de téléportation dans La Mouche Noire. Il y avait une espèce de... Un espèce de... c'était assez, mais c'était déjà assez obscur, c'est-à-dire que c'était beaucoup moins montré, je dirais, que dans La Mouche. C'était beaucoup moins le centre du film, en fait. D'accord. Donc moi le film me plaît beaucoup. Alors un remake je suis pas non plus forcément contre, mais oui voilà ce serait vraiment sympa de voir un petit film de monstre comme dans les années 50. Mais bon après on n'est plus à la même époque des films de monstres King Kong, enfin Skull Island, c'est pas le King Kong de En 33, enfin. encore que ça va revenir, c'est-à-dire que là maintenant, entre la volonté de la Warner de nous faire Est-ce que c'est Warner? Oui, je crois que c'est Warner, de faire un espèce d'univers étendu avec la momie C'est et universel, c'est pas Universal, universel. pardon, c'est Universal aussi, c'est Universal Classics, c'est ça. Donc voilà, moi je trouve que ça pourrait fonctionner, c'est-à-dire que pourquoi pas, après le cinéma de super-héros qui est en train d'entrer un peu en dégénérescence comme le western à l'époque, pourquoi ne pas faire une nouvelle ère du film de monstres? Moi ça m'irait tout à fait. Ouais, pareil. Donc voilà. Après, comme je ne connais pas le réalisateur, son film, je ne l'ai pas vu. Mais Moi non plus, ça me dit rien. pourquoi pas, hein, faut toujours, je veux dire, on va laisser la Voilà, chance. ayons confiance Ouais, c'est ça. au nouveau talent. Oui. Ah, c'était avec Vincent Price, La Mouche Noire. J'avais complètement Oui, oublié que c'était Vincent c'est Price. vraiment, c'est très très. Ouais. Ah, ça, il faut que je vois absolument. Donc voilà, on n'en sait pas plus. On vous tiendra au courant quand on en saura un peu plus. On passe maintenant à teaser de Crowman. Donc c'est la prochaine réalisation des studios Hardman. Justement, on avait parlé des studios Hardman quand tu étais là. Ah oui, Donc bah oui. c'est vraiment. Donc C'est les fils rouges. on avait créé notre amour pour ce studio. Et là, on a un teaser de leur prochaine aventure qui se passera à la préhistoire. Donc le studio Hardman, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est les gens qui sont derrière Wallace et Gromit, Wallace et Gromit pardon, Chicken Run et Shaun le Mouton. Là, on a vraiment un tout petit teaser qui, moi, m'a beaucoup plu. Et enfin, souvent dans les bandes-annonces de films d'animation, je suis pas surpris des blagues et je les vois venir. Et là, la première blague qu'il y a dans la bande-annonce, je l'ai pas du tout Oui, c'est vu toujours ça qui est venir. super. Et elle est vraiment marrante, et puis toute la bande-annonce est vraiment super. Enfin, déjà, l'animation est géniale, donc comme d'habitude, et puis enfin, ça a l'air vraiment bien. On n'en sait pas beaucoup plus, mais ça a l'air vraiment sympa. T'en as pensé quoi? Oh bah moi écoute, je vais pas redire tout le bien que je pense de Hardman, moi, pour moi ils ont Ouais, un bon vouloir automatique. Donc voilà, qu'ils sortent un nouveau film, déjà c'est super. Et ensuite voilà, pareil, donc j'ai vu la petite bande-annonce qui fonctionne très bien, et coup de bol, parce qu'en plus j'ai revu le Wallace et Gromit et le Lapin-Garou Ah la semaine oui, dernière. Donc ouais. voilà, voir ça vraiment, c'était, enfin c'est toujours un plaisir, je veux dire, qu'ils continuent à faire comme ça du stop motion, qu'ils font si bien avec des personnages en pâte à modeler, qui en plus racontent des histoires qu'on raconte peu, comme la préhistoire, ce genre de choses, voilà, des choses qui ne sont pas du tout à la mode finalement. Aujourd'hui, voilà, on sent qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont une idée, ils vont dedans et ils se posent pas la question est-ce que ça va être rentable, parce que de toute façon, ça le sera pas, puisque je crois que j'en parlais déjà la dernière fois, c'est-à-dire que c'est pas du tout un studio qui rapporte, même si c'est un petit peu, c'est une institution, mais paradoxalement qui rapporte pas en fait. Et donc Ouais, voilà, on c'est sent qu'ils dommage. s'autofinancent presque. Non, mais je sais pas si c'est dommage, parce qu'au fond, s'ils s'autofinancent et s'ils arrivent à vivre de ça tout en Ouais. gardant une intégrité. Oui, Pour bah moi, ça me oui. suffit et je pense que ça leur suffit aussi. Et donc là, voilà, le Croman, je trouve qu'on revient presque à l'ère des courts-métrages Hardman, donc avec ces Ouais. choses très étranges, très très étranges qui passaient à la télé. Donc là, vraiment, et oui, il y a quelque chose d'étrange et quelque chose en même temps de très drôle, de très fin, qui rappelle vraiment ces courts-métrages et les tout débuts de Wallace et Gromit. Donc ça m'intéresse vraiment de savoir s'ils sont, par cette histoire de préhistoire, ce qui est assez marrant, revenus à leurs propres sources aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vraiment c'est super sympa. Je vous conseille vraiment de voir la bande-annonce parce que le teaser, justement, Et puis c'est un vent c'est. frais aussi dans l'animation qu'on a aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment un vent frais, quoi. Il y a plus personne qui fait ça aujourd'hui, quoi. Oui, effectivement. Enfin, il y a ceux qui font. Mince, maintenant, j'oublie leur nom à chaque fois. Ceux qui ont fait Kubo, etc. Oui, voilà, mais c'est plus des films qui sont de l'ordre, je dirais, non, anecdotique, c'est pas le mot, mais qui sont de l'ordre de l'événement, c'est-à-dire qu'ils font un film, on en parle, et puis après on oublie qui sont ces gens, alors que Hardman sont restés une institution après toutes ces années, qui ne fonctionne pas commercialement, mais qui n'a jamais eu aucun problème à faire sa place dans la critique. Ouais. C'est quand même un des seuls films, je crois que c'était Wallace et Gromit et Lapin-Garou, qui avait eu, il me semble, l'Oscar Film du meilleur film d'animation. d'animation à sa sortie. Enfin, c'est un des seuls films pas Disney qui ait jamais eu ce prix, quoi. Donc c'est vraiment la preuve que Wallace et Gromit ou Hardman en général, quand ils sortent un film, c'est un super film, quoi, systématiquement. Ouais. Donc C'est voilà, c'est toujours effectivement. un plaisir invraisemblable. Voilà. Donc on vous conseille de regarder le teaser et puis on va passer du côté d'un autre studio d'animation, donc DreamWorks, avec la première bande-annonce de Captain Underpants. Il n'y a pas encore de titre français, ça se trouve ce sera le même, mais je ne sais pas. Donc première bande-annonce avec les voix de Kevin Hart et Ed Helms aux États-Unis. Le film sortira aux États-Unis justement en juin 2017, mais il n'y a pas encore de date de sortie en France, donc voilà. Tu as vu la bande-annonce, Ils j'imagine. ont vendu leur âme au diable, DreamWorks. Vraiment? Oh, alors, comment dire? Moi, je suis un fan de la première heure, je veux dire, tout ce qui est Shrek. Je veux dire, je défends DreamWorks, même depuis qu'ils ont été rachetés là, par rapport aux trolls, notamment, depuis qu'ils ne gèrent plus eux-mêmes un petit peu leur animation et que la direction a changé. Je les défends, je veux dire, quand ils ont sorti un projet de Shrek 5, moi, voilà, je suis très content et j'attends qu'ils sortent. Et là, récemment, ils ont sorti Baby Boss, qui était quand même une bouse invraisemblable, Que je n'ai pas avec... vu, mais Oh là là, c'est très très très mauvais. Voilà, je vais pas m'épancher là-dessus, vraiment, mais vraiment, bon. c'était une énorme déception. D'accord. Et donc là, ils nous sortent ce film qui s'appelle Captain Underpants, qui pourrait être un truc un petit peu marrant et très délirant. Et en fait, il n'y a aucune blague qui fonctionne dans le bande-annonce, je trouve. C'est-à-dire que c'est Ah bon? complètement mou et des blagues complètement déjà faites 10 000 fois. J'ai l'impression que c'est fait pour les enfants de 3 ans, mais pour... aux parents pas exigeants, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que moi mes enfants de 3 ans je leur montre pas ça, tu vois. D'accord, Et ouais. donc je sais pas, non vraiment ça me parle pas du tout. Visuellement je trouve qu'ils nous font presque du studio illumination, vraiment, c'est-à-dire que je trouve que ça a aucun intérêt à regarder, alors qu'ils ont toujours été un petit peu la fameuse DreamWorks face, c'est-à-dire qu'ils ont toujours été un petit peu inventifs. On reconnaissait la patte DreamWorks avant, et même dans Baby Boss en quelque sorte on reconnaît leur patte visuelle. Là en l'occurrence, qu'est-ce que c'est que cette laideur infecte? J'ai l'impression de regarder Disney Channel, quoi. C'est vraiment, c'est pas beau du tout, ça me fait pas rire du tout. D'accord. L'idée, enfin vraiment, donc je vais pas Non, m'énerver, mais quand j'ai non, vu non, la mais. bande-annonce, vraiment, moi qui suis fan de DreamWorks, ça me fait mal et j'ai tellement peur pour Shrek 5 du coup, quoi. D'accord, ok. Moi j'aime beaucoup DreamWorks. Leur dernier film, bon, j'ai pas vu Baby Boss, mais Troll. Voilà. Moi j'ai vraiment pas aimé. J'ai pas regardé, il y avait Chapoté avant aussi, qui était Ah aussi une bonne oui. bouse, alors que vraiment j'étais le premier dans la salle, quoi. Ouais. oui, voilà. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, je suis. C'est un des premiers DreamWorks depuis très longtemps où je suis vraiment impatient de le voir. Ah Alors ouais? je sais pas ce que c'est. Je sais vraiment pas ce que c'est. Parce que le projet ne me parle pas plus que ça. Mais j'aime bien. Alors je sais que t'aimes pas trop l'animation, mais moi je trouve que ça fait Snoopy en fait, Peanuts, tu vois, genre. Ouais, je vois à peu près. Ce qui me dérange, c'est que c'est surtout pas la patte de DreamWorks, c'est que j'ai Non, l'impression c'est qu'ils pas essaient de du faire tout comme la les patte de autres, quoi. DreamWorks. Ouais, c'est pas du tout la patte de DreamWorks. C'est ce qui est un peu gênant, c'est vrai. Mais enfin, alors le film, tu pourrais dire que ça aurait été fait par n'importe quel autre studio. Je t'aurais cru. Enfin, tu vois, Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça qui me dérange profondément, quoi. ouais, c'est pas du tout la patte DreamWorks. C'est un peu dérangeant, je trouve. Mais le film en lui-même m'intéresse. Alors, ça se trouve, je vais être énormément déçu. Alors, Non mais j'attends regarde pas non Baby Boss plus. et comme ça tu pourras calmer tes attentes. D'accord, Si je peux te dire. ok. Mais c'est pas le même, les mêmes personnes derrière. Enfin, c'est toujours le même studio, mais c'est pas le même personne qui est. Alors attends, Non oui après c'est pas c'est le même réel. réal et tout ça, oui sans doute. Alors c'est le scénario est signé par Nicolas Stoller, donc Sans Sarah, rien ne va et Nos pires voisins. Ok, Ouais. mon attente vient de baisser. Et réalisé par David Soren, qui est derrière Turbo. Mon attente vient de baisser Donc Oh, voilà, ils ont pas non, mis mais des flèches, hein, le scénario, putain. ouais, non, mais je sais pas, il y a un petit truc qui me plaît dans le film. Alors, je vais aller le voir et je vais sûrement être déçu, mais je l'attends quand même un tout petit peu maintenant, parce que bon, Ouais, voilà, j'ai vu qui était derrière, c'est pas engageant, quoi. ouais, voilà, mais bon, on sait jamais, et puis enfin, je sais même pas quand ça va sortir en France, donc on verra bien. On passe. Tu avais quelque chose à rajouter ou Non, pas du tout, non? Ok. je Pas me de suis souci. lâché, tout va bien. Justement. Je vais pouvoir me lâcher encore. on va parler de Baywatch, donc Ah, l'adaptation ciné d'Alerte à Malibu. Non, justement. Qui sortira au cinéma le 21 juin. On retrouve au casting Dwayne Johnson et Zac Efron et d'autres personnes, dont Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, des personnes que je ne connais pas, mais Dario, tu ne le connais pas? Percy Jackson, ouais. Si elle me dit quelque chose, mais Oui, elle a je. fait Trou Détective aussi. Ah voilà, c'est là, désolé, ok. Donc voilà. Alors là, c'est typiquement le film où, en entendant le projet, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que bon, Alerte à Malibu, pour moi, je connais pas, j'ai jamais vu un épisode de la série. Pour Ouais, moi, moi non plus, c'est ouais, c'est pas notre génération, ouais, il y en a voilà. pas. Le seul, la seule connaissance dont, que j'ai d'Alerte à Malibu, c'est de, enfin, c'est de Friends en fait. Quand ils parlent d'Alerte à Ouais, Malibu, d'accord. voilà. Et puis d'un épisode des Simpsons, il me semble. Mais voilà. Je connais pas vraiment l'histoire. S'il y en avait une, je sais pas. Les fans de Alerte à Malibu, venez me corriger si je me trompe. Mais voilà. Et là, j'ai vu la bande-annonce et bah, j'ai rigolé à 2-3 blagues. J'ai trouvé ça sympa. Ça a pas l'air de trop se prendre au sérieux. Mais voilà. Je sais pas vraiment ce que j'ai ressenti devant cette bande-annonce. Mais finalement, je me suis dit, bah, c'est pas si mal. De là à aller le voir au cinéma, je sais pas. Mais faudra peut-être voir une bonne annonce en plus, mais en tout cas, je suis un peu plus convaincu que ce que j'étais avant de l'avoir, en tout cas. Tu t'as pensé quoi, Oh bah moi c'est un oui, enfin je veux dire j'ai aucun non mais alors j'ai aucun problème avec ça, c'est-à-dire que c'est dans la mouvance, on s'y attendait pas hein, mais c'est dans la mouvance de 21 et 22 de Jump Street en Ouais, fait, c'est un retour d'une série qui a exactement. fait son temps et dont on ne parle plus avec un second degré invraisemblable. Mon petit problème que je pourrais avoir c'est que il y avait des génies derrière 21 et 22 de Jump Street qui étaient Oui, ouais. Lord et Miller. Il y avait des génies derrière. Là en l'occurrence, tu dis-moi si je me trompe, je pense que c'est pas un type. Il est pas connu le. Je vais chercher le réalisateur parce qu'il le disait même pas dans la news. Oui, voilà, c'est ça ce que je me disais. Il était nulle part, il est pas dans la bande-annonce ni rien, donc. J'ai pas regardé plus que ça, mais tout ça pour dire que voilà, mais moi c'est un film qui me fait envie quand même. Je veux dire, c'est rigolo. J'aime bien le côté où on se fout complètement de. Où ils se foutent complètement d'eux-mêmes. Que ce soit Alexandra Daddario qui fait la super blague sur ses seins, vraiment sur sa poitrine, vraiment que j'attendais, quoi, qui est hyper drôle. Alors regarde-moi dans les yeux et après elle se secoue. Ça, je veux dire, c'est Ah, drôle, quoi. c'est Edwin Seth Johnson Gordon. qui. Seth Ah, c'est Gordon Seth qui est. Gordon? Ouais. Ah, bah d'accord, bah ok. Bon, oui, je veux bien alors, je veux Oui, bien alors. ouais. Et C'est. donc, y a le passage avec Dwayne Johnson où il y a un type qui fait une statue de lui en sable et qui lui dit rajoute-moi des Ah, pecs. Enfin, je veux dire, c'est drôle, quoi. Enfin, je veux dire, quand on connaît un peu ces gens-là et qui font dans des films, Oui. toujours, il y a entre Dario qui a des décolletés à la pointe de l'implosion et Dwayne Johnson qui passe son temps à montrer ses muscles dans tous les films. Là, je trouve qu'on a un vrai second degré. Et Zac Efron qui se fait appeler One Direction normalement dans la bande-annonce. Enfin, vraiment, je trouve ça hyper drôle. Et vraiment, moi, j'ai hâte de voir ça. C'est-à-dire que ça va peut-être être un peu de la vanne facile, un peu de la vanne, voilà, qu'on peut faire quand on est bourré entre potes. Mais c'est exactement ce que j'attends de ce film, en fait. J'en attends pas plus. Je préfère mille fois ça qu'un espèce de reboot, genre Point Break où il se prendrait au sérieux, quoi. Ah oui, non, non, non. Mais là, Voilà, ouais, c'est ça. moi, je Je préfère m'attendais à un mille fois Point ça, Break, quoi. hein. Personnellement, je Voilà, m'attendais c'est à un ça. Point Moi, Break quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, bah, j'irai pas le voir. Et en fait, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, bah oui, j'ai carrément envie de voir ça, quoi. Vraiment. Ouais, mais franchement, ça m'a convaincu vraiment. Donc, ouais, je m'y attendais pas du tout. Non, Et tout à fait. C'est une belle voilà, surprise. c'est une belle surprise. Et franchement, bon, ça a pas l'air d'être le plus grand film de tous les temps. Hein, on va pas Non, mais non bien plus sûr, vous. ça reste de la petite Voilà, comédie. c'est ça, ouais. Mais ça a l'air sympa. Donc, voilà. On verra bien ce que ça donnera. Ça sort le 21 juin, donc c'est dans pas si longtemps que ça. C'est cet été, quoi, c'est bien. Ouais, voilà. Donc, ce sera un bon film d'été, je pense. Voilà. On passe maintenant rapidement à La Belle et la Bête, pour Disney. Il n'y a pas de suite en préparation parce qu'il y a des gens qui ont demandé au studio Disney s'ils allaient préparer une suite à La Belle et la Bête, franchement. Mais finalement, ils ont décidé qu'ils allaient peut-être faire quand même un spin-off ou un préquel. Donc voilà, ils sont quand même assez avides d'argent. En Ils ont même temps, des c'est idées. pas. Voilà, c'est ça. C'est une manière plus polie de le dire. Voilà, c'est ça. Donc voilà. La Belle et la Bête, c'était une petite surprise pour moi quand je suis allé le voir, le film live. On parle du film live, bien sûr. Parce que je m'attendais pas à aimer autant. Et finalement, Oui, j'ai c'est très beaucoup aimé. sympa. C'est très Donc sympa. ouais, C'est. c'était très sympa. Donc Ouais. bon, alors de là à avoir un spin-off ou un préquel à La Belle et la Bête, je vais pas dire que je m'en fous complètement, mais c'est pas loin de ça. Parce que bon, pour moi, l'histoire est finie. Il n'y a plus vraiment besoin de voir. Qu'est-ce qu'on va nous raconter? Voilà, Enfin, vraiment, c'est. c'est Ouais. vraiment. Je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir nous raconter de cet univers, parce que c'est pas non plus un univers qui a l'air d'être infini d'histoires à raconter, quoi. Donc voilà. Toi, tu. Bah écoute, moi j'ai plutôt bien apprécié La Belle et la Bête, même si Ouais. je maintiens après avoir vu le film que c'est quand même du cinéma qui n'a pas Ah grand-chose à oui, dire non quoi. mais C'est, je veux dire, c'est du cinéma, voilà. y a pas J'y allais pas d'ambition. en j'y allais pas en pensant voir Cocteau, hein. Ah mais Mais non, ça c'est sûr. voilà, quand je suis sorti, je me suis dit j'ai passé un super moment, divertissement, ça remplit très bien son office, c'est Ouais. magnifique à regarder. Ouais. Mais enfin, c'est du cinéma qui dit rien. Alors tu viens nous faire une suite. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'est-ce qu'ils vont raconter, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de suite, ou alors, arrête-moi si je me trompe, il y en a peut-être une en DTV qui a pas marché de Ah du oui. film animé. Si, C'est si, c'est possible, hein, vrai. puisqu'ils ont fait 10 000 trucs en DTV, donc c'est possible qu'il y ait Ouais, une suite à La si, Belle et si. la Bête, Je j'en sais crois qu'il y rien. en a eu une ou même deux. Mais ce ne sera pas, je Donc, pense, une adaptation d'un truc qui a pas marché. ouais. Donc ils vont nous raconter une histoire qu'on connaît pas, un peu comme Blanchet et le chasseur. Moi, je dirais, en quelque sorte, pourquoi pas? C'est-à-dire que, bon, d'un côté, c'est fait pour le fric, mais enfin, si on n'a pas compris que Disney fait que ça depuis 20 ans, Oui, non, c'est vrai je veux dire, que. on va parler plus tard d'une news par rapport à Star Wars. Je veux dire, évidemment, enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, Disney. Alors, ça ne fait pas des mauvais films pour autant. Hein. Je suis très fan de Avengers, par exemple. Ça fait pas des mauvais films pour autant, mais j'aimerais bien qu'on me sorte enfin dans le monde contemporain une bonne version intelligente et qui me dit quelque chose, qui renouvelle quelque chose de La Belle et la Bête. Parce que je parlerai pas de Christophe Gans, je parlerai pas du récent qui était pas mal, mais voilà, donc j'ai dit qu'il n'y avait rien à dire. C'est pas normal que le dernier bon film sur La Belle et la Bête, qui est une histoire millénaire et fascinante, soit suite Cocteau et qu'on n'en ait pas Cocteau, eu de ouais. bon depuis, quoi. Pour moi, c'est pas normal. Donc, je suis un petit peu agacé par cette idée qui va encore nous faire une suite d'un classique, mais d'un autre côté, je me dis que si ça peut leur permettre d'avoir un peu d'ambition et de nous raconter quelque chose qu'on connaît pas, pourquoi pas, par exemple, une histoire en spin-off sur la bête, pourquoi pas, à savoir comment elle a évolué dans le château toute seule, comment elle s'est mise, parce qu'elle n'y est pas allée toute seule dans le château, il lui a fallu du temps pour devenir la bête aigrie qu'elle est dans le film. Donc ça, pourquoi pas, ça pourrait m'intéresser, par exemple. Encore une fois, il faut la bonne personne aux commandes. C'est toujours la même problématique. Ouais, faut voir, franchement, parce que là, C'est toujours pareil, en fait. Ça, c'est faut voir, quoi. C'est des c'est. projets qui sont de toute façon mercantiles, et essayons que ce soit bien, malgré le fait que ce soit mercantile, que ça soit le plus réussi possible. Ouais, et d'ailleurs, bah, Sean Bailey, qui est le patron de Disney, il me semble, qui a tenu des propos comme quoi, sa politique à lui, c'est qu'ils vont faire des nouvelles versions pour des films, bien sûr, mais pas question de toucher aux films sortis au-delà de l'an 2000. Donc, alors, bien sûr, c'est normal, vu le matériel qu'ils ont Ils vont avant pas la, tripoter avant. Pixar, c'est déjà ça. Ouais, avant l'an 2000, enfin bon, Pixar c'est 95, hein. T'imagines une version live de De Toy Toy Story? Story. Non, non, Tout le monde merci. s'est accompagné en version live, t'imagines l'horreur, il y a des trucs numériques. Au secours. Non, mais donc, alors en même temps, dire ça, c'est dire pas grand-chose, parce que vu le matériel qu'ils ont avant l'an 2000, je pense qu'ils peuvent faire des Non, bien films sûr. jusqu'à 2040, avant de s'attaquer aux films qui sont sortis au-delà de l'an 2000. Hein. Donc, Oui, tout à fait. c'est pas vraiment quelque chose qui a vraiment d'importance. Donc voilà, on verra bien ce qu'ils vont faire avec La Belle et la Bête. Moi, je reste sur ma position que que celui qui est sorti récemment était sympa. C'est pas non plus un Voilà, film c'est qui a ça. révolutionné tout, mais c'est un bon moment à passer. Voilà, C'était plutôt une bonne surprise, on va dire. c'est ça. Bah justement, parlons de Disney, on va parler encore de Disney. avec Star Wars, justement, t'en C'est parlais. Disney Star Wars, merde! Ah non, merde, D'accord. j'avais oublié. J'avais oublié. Oh zut! Pourquoi je me Donc. rappelle ça? Ouais. Donc, Bob Iger. Donc, non, c'est lui le patron de Disney. Je sais pas qui Oui, c'est c'était Bob l'autre, Iger, mais c'est ça, voilà. oui, je sais déjà rien de son nom. Donc, Bob Iger, le patron de Disney, qui a déclaré ce mois-ci que le studio planchait sur. Plus de 15. Non, non, non. Plancher sur les histoires des 15 prochaines années en ce qui concerne la saga Star Wars. Mais ça pourrait être 15 histoires, c'est pareil. Mais oui, voire plus, parce Oui. puisqu'il pensait à deux parents à un moment, donc Oui, non, voilà. Donc, vous connaissez mon attachement personnel à Star Wars. C'est vraiment une saga que j'apprécie beaucoup, surtout la trilogie originale. Mais voilà, j'ai bien aimé le 7. Voilà, je l'ai dit, enfin, je le dis et je le redis. Je n'ai pas vu Rogue One. Ah bon? Toujours pas. Toujours pas. faudrait peut-être que je le voie. Il est sorti en Blu-ray d'ailleurs récemment, donc peut-être pourquoi pas. Mais voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec cette politique, je le dis, je le redis, de faire de Star Wars quelque chose d'annuel. Parce que pour moi, ça devrait être quelque chose d'exceptionnel. Une sortie de Star Wars, ça devrait être exceptionnel. Et là, ils vont faire ça Ils vont comme si marveliser Star c'était. Wars. Voilà, c'est ça, ils vont Ouais. marveliser Star Wars. Et c'est ça le problème pour moi. Et donc là, ils ont déjà prévu plus de films après l'épisode 9. Voilà. Moi, j'ai un souci. Alors, ça se trouve, ça va être que des bons films et on sera tous contents. Mais à mon avis, ce sera pas le cas. Il va y avoir un moment où tout va se dégringoler et je pense qu'on va un Ça peu a piqué. regretter. Voilà, on va un peu regretter l'époque où il y avait, enfin voilà, l'époque où George Lucas était là et dire que je dis ça, c'est vraiment, enfin voilà, je m'attendais pas à dire ça, mais enfin, bon, le dernier, enfin le Star Wars 8, on en parlera un peu. Enfin, tu en parleras de la bande-annonce puisque je le dirai plus tard, mais je n'ai pas vu la bande-annonce D'accord. pour des raisons que je dirai plus tard. Donc voilà, tu penses quoi de cette. De toute façon, je pense qu'on a le même avis là-dessus, mais. Oh là là là là. Non, mais alors je sais pas si je m'énerve maintenant ou quand on parlera de la bande-annonce de Star Wars 8. Ah, Mais tu peux. bon, en fait, le problème, c'est que arrêtez ça tout de suite. Je veux dire, voilà, moi je suis parti de ceux qui ont, et franchement, je Tu l'ai vu trois as fois, hein, aimé Star Wars 7? qui ont, non, justement, je suis parti de ceux qui ont détesté Star Wars Ah 7, alors que la d'accord, ok. première fois que je l'ai vu, je m'étais fait un peu, voilà, comme ça, j'ai envie de dire berné, mais c'est pas un mot sympa pour ceux qui aiment toujours. Donc je m'étais fait un petit peu, voilà, j'avais eu un peu la poudre aux yeux en allant voir Star Wars 7 la première fois, je me disais, bon, bah c'était pas mal, c'était pas incroyable, ouais, je passe un bon moment. Donc je l'ai revu une ou deux fois quand même, deux fois, et non, pour moi c'est pas possible. D'accord. Pour des raisons, voilà, je vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit, Oui, que ça je rappelle un comprends. peu trop les originales, ce genre de choses. J'ai bien aimé Rogue One, à ma grande surprise. D'accord. C'est-à-dire que je trouve que c'était très sympa. En fait, il y avait vraiment un parti pris dans Rogue One qui était de faire un film de guerre. Ça avait déjà Oui, essayé de faire, ouais. ils avaient déjà essayé de faire ça avec le Retour du Le Jedi, mais attaque, ça marchait. Mais ouais. ça marchait. Oui, aussi l'attaque des clones en L'attaque des quelque sorte, mais clones, ouais, ça, voilà, ils avaient raté oui, aussi. on va pas en parler. Et oh là là, donc voilà, moi j'ai envie de dire, j'ai franchement arrêté de jouer avec moi. Je veux dire, j'ai pardonné à George Lucas pour l'attaque des clones parce qu'il a fait la revanche des Sith. J'ai pardonné à moitié à Disney pour Star Wars 7 parce qu'ils ont fait Merci. Rogue One. S'ils commencent à m'en sortir un par an, et qu'en plus, c'est, parce que le problème c'est qu'en plus, bon, je parlerai plus tard, ou sinon, si tu veux, je peux en parler maintenant, c'est comme tu veux, de la bande-annonce de Star Wars 8, Bah, mais si. on en parle tout de suite. J'ai pas vu la Ok, donc la bande-annonce bande, parce que bon, ok, donc je. voilà, donc je vais Ouais. pas te dire voilà son contenu, même si en soi il y a vraiment rien du tout Ouais, dedans. je sais. C'est, enfin, pour moi c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. C'est-à-dire que oui, mais ok, c'est joli visuellement, mais si on commence à dire que ça en fait un bon film, je veux dire tous les blockbusters récents, sauf gros accidents comme X-Men Apocalypse, sont jolis visuellement. Tous. Et Rogue One ne faisait pas exception, Star Wars 7 ne faisait pas exception, et ce Star Wars 8 ni les prochains ne font exception. C'est pas le problème. Pour moi, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu d'ambition. Tu n'as pas vu la bande-annonce, sache que regarde la bande-annonce de Star Wars 7, tu vas être entièrement comblé. Il y a tout ce Apparemment, oui, qu'il faut apparemment, c'est la dedans. même chose, c'est la même bande-annonce. Ouais. C'est la même bande-annonce. Bon, là, à dire que, en fait, le problème, c'est que le montage qui est sorti comparatif, il est un tout petit peu fake dans le sens où ils ont remonté quand même les images. Mais les images en soi sont les mêmes. Il y a la même chose, il y a D'accord. le même ton sentencieux. Les deux bandes annonces commencent par un screamer. Et non, mais c'est plus possible. Pour moi, c'est plus possible. J'ai l'impression voilà, qu'ils sont en train de marveliser Star Wars et qu'ils vont nous banaliser. C'est pas normal qu'en décembre, quand je vais aller voir Star Wars 8, je sois pas content de retrouver les personnages. C'est pas normal que je sois pas attaché à Rey, à Kylo Ren, à tout ce que tu veux. C'est anormal. Et D'accord. c'est anormal qu'à la fin de Star Wars 7, j'ai rien ressenti au moment T. Au moment où voilà, il y a un personnage culte de la saga qui meurt, je n'ai rien ressenti. C'est pas normal. Il est en train de se passer quelque chose chez Disney Star Wars, je trouve, de malsain, quoi. Ils sont en train de nous. Je suis devenu. Je suis, tu te rends compte, je suis devenu Trekkie, je suis devenu fan de Star Trek à cause d'eux, quoi. C'est-à-dire que. Je te promets, c'est-à-dire qu'avant je connaissais pas, j'avais vu les deux de J.J. Abrams que j'avais bien aimé. J'ai détesté Star Wars 7, et du coup j'ai vu tous les Star Trek, et je trouve ça vachement mieux, du coup, tu vois. Les films? Donc, les films, ouais, Ah. les 12 ou 13 films, je les ai tous vus. Ouais, Et non, voilà, je suis un Disney Trekkie dans m'ont l'âme. tellement dégoûté de Star Wars avec Star Wars 7 que je suis devenu Trekkie entre temps. Enfin, vraiment, c'est pas possible, ils sont en train de me massacrer mon aura de fanboy, alors que pour moi, Star Wars 7 était le projet de la vie, quoi, tu vois. Donc voilà, donc putain, sur 15 ans, c'est invraisemblable. En fait, Ouais. voilà, moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est, à mon avis, ils vont faire des bons films une fois sur deux, c'est-à-dire que là, ils nous ont fait Rogue One. On va avoir Star Wars 8, qui j'espère va pas trop m'énerver. Et derrière, on va avoir le spin-off Han réalisé Solo, par. pas Par Fillord Lord et et Miller, ouais. tu vois, donc là ça va être bien encore, tu vois. C'est ça le problème, c'est que moi, tous les ans, je vais me dire, Oh bah au fond, allez, je les pardonne parce que celui-là, il était pas mal. Ils vont mettre Star Wars 9 derrière, réalisé par Trevorrow, tu vois. Enfin, excuse-moi, qu'à un D'accord. moment, c'est plus possible. Donc voilà, donc un par an, voire deux par an, tous les 15 ans, enfin tous les ans, là, pendant 15 ans. Où y a intérêt? Est-ce qu'il... Oh, non, je sais pas. Il y a un moment, je pense que j'irai toujours les voir, mais il y a un moment, je pense que j'irai plus avec plaisir, quoi. Il y a un moment, vraiment, la Baudruche va se dégonfler. Il faut pas qu'ils s'imaginent qu'ils feront 1 milliard ou 2 milliards par an en en faisant pendant 15 ans, hein. Ça va baisser, hein. Ils ont pas reproduit le score d'Avengers depuis Avengers, hein. Non mais c'est Donc... vrai, c'est effectivement. C'est alors oui, donc moi j'ai pas vu la bande-annonce de Star Wars 8 parce que j'ai pas envie de enfin, c'est raison personnelle, j'ai pas envie de voir j'essaie de m'éloigner de toutes les images que je peux voir. Bon, bien Voilà, sûr. j'en ai rien dit, c'est pour ça, t'as vu? Non, mais Je rigole. j'apprécie, merci. Bien sûr, je suis pas à l'abri des gens qui postent des images sur les réseaux sociaux et tout ça. Je vais pas non plus être à me crever les yeux pour rien Voilà, voir c'est ça, de toute façon, je te dis, les jusqu'au images qu'on 15 poste, décembre. en vrai, tu les as vues mille fois Oui, déjà, donc... apparemment. Donc, Ouais. apparemment, moi j'en ai juste entendu parler que la bande-annonce est très similaire à la Star Wars 7 et tu viens de le confirmer encore. Donc voilà, moi c'est juste que je veux pas la voir parce que je veux peut-être être un peu surpris quand je le verrai au cinéma. Voilà, il y a deux trois jeux, Voilà. il y a deux trois très beaux plans, hein, donc mais vous les voir une première Donc, fois dans une salle de ciné. ouais. oui, ce que je voulais dire. Donc, le problème, voilà, c'est que j'ai pas vu Rogue One alors que je suis un putain de fan de Star Wars. J'ai pas vu Rogue One, quoi. Ouais, Et non mais ça j'étais pas. vraiment je te le conseille, c'est un bon, c'est un pour le Mais. coup c'est un star, ça c'est du Star Ouais. Wars, c'est vraiment Star Wars quoi. Ouais. Et j'étais pas non plus super hypé par le film. Quand il était au cinéma, je me disais, bon, mais il y a ça, mais je vais voir ça, je vais voir autre chose, je vais voir le premier contact à la place, parce que ça a l'air Ouais, plus bon, sympa. t'as quand même Enfin. bien fait, hein, Non, mais... parce que le premier contact, c'est quand même un putain de bon film. Ah Mais oui, rien à voilà. voir. Rogue One, voilà, je l'ai pas vu, alors que je devrais le voir normalement. Bon, bien sûr, je vais le voir, mais voilà, c'est déjà un signe de la dégénérescence, Bah et oui, c'est c'est un ça. signe de même... En plus, toi, t'avais aimé Star Wars 7, c'est-à-dire que même Ouais. quand... Il me semble... Donc, c'est-à-dire que même quand on a aimé Star Wars 7... Oh bah il sort un nouveau Star Wars. Oh bof, pas envie, tu vois. C'est Ouais, horrible, hein. C'est horrible comme c'est sentiment. horrible de dire ça. C'est... Et alors Oui, c'est... ça va pas aller en s'arrangeant, hein, parce que si Non mais c'est comme si moi, du jour au lendemain, j'avais plus envie de voir les animaux fantastiques, quoi. C'est pas y possible, je suis fanboy d'Harry Potter depuis des années. Heureusement a... qu'ils ont sorti un bon film, parce que pareil, je pense que j'aurais pété un câble sinon. ouais, donc voilà, moi je suis un peu désolé de voir tout ça. Bien sûr, j'irai voir Star Wars 8 puisque je. Oui, et puis ceux d'après aussi, hein, et moi Bah, aussi, hein. voilà, c'est un peu. Enfin, ouais, je dirais c'est comme pour Star Trek, je vais voir tous les films, même Voilà, c'est si il ça, même y en si... a certains qui sont pas bons, quoi. C'est pas le souci. Donc voilà. C'est traditionnel, c'est comme un James Bond ou quoi, Par c'est il y a contre, ça qui sort, on va le voir, quoi, ouais. c'est traditionnel. On va parler après de. On parlera après de Marvel. On parlera un peu. Parce Ouais. que c'est encore un autre souci. D'ici, est-ce que je me calme? Ouais. Il faut bien me re-énerver derrière. Bah oui. On va pouvoir parler de la Justice League. Peut-être que ça a un peu de calmé. Ah, bah là, voilà, on entre quand même dans quelque chose de... Voilà, la Justice League. Bon, la première bande-annonce? Non, la deuxième, il me semble. En fait, c'est la première vraie bande-annonce, c'est-à-dire que... Ah oui, c'était C'est-à-dire un qu'avant, on teaser qui avait était des bouts de sorti. teaser, des bouts de bande-annonce, ce genre de choses. Donc là, une vraie bande-annonce qui est sortie. Le film sortira le 15 novembre. C'est toujours réalisé par Zack Snyder. On retrouvera Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman et Cyborg réunis. Il n'y aura pas Superman, il me semble. En fait, On voit Lois on Lane. imagine qu'il sera là, mais pour l'instant, on ne sait pas sous quelle forme ni à quel moment du film. Voilà, c'est ça. On voit Lois Lane dans la bande-annonce. Voilà. Une bande-son d'abondance assez sympa, des White Stripes, et puis une version modernisée de Come Together des Beatles, donc ça toujours très bien à C'était pas du prendre. Led Zeppelin là? La première, c'est Hardest Button to Button des White Stripes. Ah d'accord, je croyais que c'était Donc, du Led Zeppelin, j'aurais dû me tromper. et puis la deuxième, c'est Come Together, bien sûr, des Beatles. Ouais. Alors, Batman v Superman l'année dernière, non, si l'année dernière, L'année dernière, ouais c'était déjà, ça fait. une grosse surprise parce que Man of Steel, j'avais pas aimé. Je croyais que t'allais dire grosse dose, j'avoue, j'ai soufflé quand t'as dit surprise. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. J'étais un des seuls à soutenir que le film était bon, même dans sa version cinéma. Donc, tu Mais vois. oui, bah, mais si, merde, t'inquiète. Donc voilà. Et je l'avais vu deux fois au cinéma. Donc, mais c'est, je comprenais pas pourquoi les gens n'aimaient pas ce film. Bon, après, il y a eu Suicide Squad, j'ai eu beaucoup plus de mal. Tout le monde, hein, Mais. même ceux comme moi qui ont trouvé ça sympa, on avait Ouais. tous eu du mal quand même. Donc voilà. Première vraie bande-annonce de Justice League, alors que Wonder Woman sort avant, il me semble. Ça sort cet été, Oui, je crois. Wonder Woman, c'est cet été. Alors Wonder Woman, ça me branche pas top top. Même si j'irai le voir, bien sûr. Justice League, ça me branche. J'aime bien, même si. Et je commence à voir un peu les. Bon, bien sûr, il y a Zack Snyder, donc il y a 3000. Enfin, dans la bande-annonce, déjà, il montre au moins 4-5 ralentis, dont deux qui servent pas à grand-chose. Et pour moi, ça pose un peu. Enfin, celui Wonder Woman qui avec ses cheveux, tout ça, c'est pas vraiment un ralenti qui sert vraiment à quelque Ouais, chose. donc voilà. Non, non, mais il se fait un peu Alors, plaisir, voilà, il ouais, économise voilà. pas mal, donc. Il se fait vraiment plaisir, donc bon, moi j'ai juste eu un souci avec tous ces ralentis, mais sinon l'abondance c'est vraiment cool, on voit les personnages, enfin c'est tout ce qu'on peut attendre d'un film Justice League. Alors moi j'ai juste peur que les ennemis qui vont combattre ont l'air d'être assez random quoi, par C'est les contre. parademons, en fait, a priori, Ouais, mais non, c'est ouais, pour ça. l'instant, on n'a pas vraiment encore. C'est toujours une Faceless Army, de toute façon, ils peuvent pas Ouais. vraiment. Oui, il peut pas Innover avoir à un ce vrai niveau-là. méchant. Ouais. Mais c'est ce qui est un peu. Moi, c'est ce qui me pose problème avec les films de super-héros, tous autant qu'ils sont. C'est vraiment les méchants pour en faire des bons. Bah, c'est dur, je trouve. Et Pour moi, pour moi, dans Batman contre Superman, avec Lex Luthor, il a tellement tué l'IA à ce niveau-là que je pense qu'il Ouais. n'y aurait pas de souci avec Justice League. Ouais. Mais oui, donc moi j'ai voilà, moi j'aime beaucoup la bande-annonce, je suis impatient d'en voir plus, et puis voilà. J'ai pas grand-chose à dire non plus, hein. J'attends le film, mais c'est pas non plus une des plus grosses attentes que j'ai de cette année, mais c'est une des plus grosses attentes de super-héros que j'ai cette année, en tout cas, ça c'est sûr. T'en as pensé quoi? Oh bah moi c'est pas l'une de mes grosses attentes de l'année parce que c'est un film de super-héros ou parce que c'est Justice League ou Batman ou même la suite de Batman contre Superman. C'est une de mes grosses attentes de l'année parce que c'est réalisé par Zack Snyder. D'accord, ouais. Et que Zack Snyder, moi ça fait des années que je dis que c'est un de mes réalisateurs favoris, que j'aime tous ses films et que je considère que Sucker Punch en plus c'est son meilleur. Donc tout ça pour te D'accord. dire que voilà je suis J'ai pas très vu Sucker fan. Punch. Il y en a qui détestent, il y en a qui adorent, Oui, et ils sont beaucoup à je sais. détester quoi. Mais donc voilà, pour moi 300, qui est considéré un peu comme son chef-d'œuvre après Watchmen, pour moi c'est son moins bon par exemple. Je trouve que Watchmen est déjà beaucoup D'accord. plus Ouais, intéressant. 300, Mais c'est. bref, alors du coup, et bah moi j'avais adoré Man of Steel et j'ai adoré Batman contre Superman, donc là ce D'accord, film-là je peux que l'attendre. Et en plus, la bande-annonce est réussie, je veux dire, qu'est-ce qu'on demande? Il y a tout ce qu'il faut. J'avais très très peur pour l'humour, c'est-à-dire qu'en Ah fait. oui. Ouais, ah Dans Batman contre oui. Superman, il y avait deux trois blagues, par exemple Ouais. Issue with you au moment où Wonder Woman apparaît, je trouvais ça vraiment très drôle et bien foutu. Le côté un peu cartoon de Lex Luthor, voilà, c'était des idées très intéressantes. On sent que c'est un mec qui a des idées au-delà du studio, on sent que c'est un mec qui a des idées. Et pour Justice League, j'avais peur parce qu'il avait dit que ce serait un film plus humoristique, effectivement. Mais Arrête-moi si je me trompe, je trouve que ça marche. oui, Je et trouve bah que avec un I'm personnage comme rich, ouais, c'est Flash, drôle. Je veux dire, ouais. c'est Batman qui dit What's your superpower? Il répond I'm rich. Ouais, C'est drôle, je trouve que c'est drôle. oui, c'est drôle. C'est pas archi lourd dans le sens où il n'y a pas un recul de fou comme peuvent Ah le faire oui, ouais. Marvel. C'est-à-dire que c'est pas non plus. On se moque pas des personnages non plus. C'est-à-dire qu'on sent que Zack Snyder, il a quand même ce premier degré qui fait qu'il est. Il y en a qui diront que ça fait prétentieux. Moi, je trouve que ça fait juste que c'est un mec qui croit en son travail. Et je trouve que dans ce sens-là, il est le digne héritier. Et il le surpasse même. Mais bon, ça, voilà, je vais me faire taper dessus de Christopher Nolan. Et donc, voilà. Je veux dire, c'est très beau visuellement. Il y a deux trois ralentis, mais il y a un moment, c'est sa patte esthétique aussi, quoi. Je veux dire, Oui, bah oui, non, je vais pas non plus lui on a des bouts reprocher de de. scène. Moi, je pense que si Wonder Woman, elle est filmée comme ça, ralentie avec ses cheveux, c'est qu'elle vient de faire un truc tellement, c'est qu'elle vient de faire un truc hyper badass, tu vois. Oui, Donc, on verra bien. Mais pour l'instant, vraiment, tout ce que j'ai vu dans la bande-annonce me parle bien. Ça me parle moins que les images de Batman contre Superman qu'on avait vues avant le film, parce que tout Ah, moi simplement, j'en l'histoire attendais m'intéresse rien de moins. Batman vs Bah moi l'histoire Superman. m'intéresse moins en fait parce Ouais. que moi je suis niveau comics, je suis vraiment très Batman solo et Superman solo, je suis pas très Ouais. Justice League. En D'accord, fait ou Green Lantern, je suis hyper Green Lantern mais ça j'ai l'impression qu'il ouais. est Ouais. pour l'instant Non. on a dit qu'il aurait peut-être un caméo dans le film Ouais, je sais pas. mais ça moi je sais que c'est mon héros DC Green préféré donc Lantern mais Corps, on espère ouais, je que sais que c'est de. mon héros préféré donc Voilà. voilà mais en soi la Justice League en elle-même toute réunie je suis pas hyper fan, mais je sais que Zack Snyder peut en faire un truc super, qu'il a tous les moyens pour, et je pense qu'il a dû bien embêter, pour rester poli, la Warner pour avoir le final cut de son film, puisque apparemment il est quand même Ah. très long, il fait facile 2h30 déjà, Ouais, bah aux dernières nouvelles. Donc je pense que voilà, je pense que la Warner ont dû comprendre aussi, Snyder et Ben Affleck ont dû leur dire, bon maintenant vous voyez ce que c'est quand quand vous ne les écoutez pas. Maintenant, vous les écoutez. J'espère que la Warner vont pas être trop imbéciles et vont les Ouais. écouter. Donc oui, moi je Et trouve que c'est ouais. une super bande-annonce, vraiment, c'est convaincant, le ton est convaincant, voilà, les ennemis, c'est un peu, c'est comme tu dis, c'est un peu une armée, voilà, hein, des Faceless Army un peu sous intérêt, mais c'est toujours le cas de toute façon, et je pense que ce qui sera intéressant, c'est qui dirige ces ennemis, en fait, surtout. Donc voilà, non, non, très convaincu. C'est oui, donc moi je voulais juste rajouter ouais, donc moi tout ce que j'espère aussi c'est que comme tu as dit Zack Snyder est le final cut et qu'on n'ait pas une version de 30 minutes rajoutée en Blu-ray comme pour tous les films. Moi, tant que c'est pas une Enfin version de réparation, ça me va. ouais. Oui, si. Si c'est comme Peter Jackson, hein, par exemple, ce qui s'est passé pour Suicide Squad, hein, c'était pas une version de réparation, c'était une Ouais. version Où ils voilà, un avaient peu 30 étendue, minutes quoi. à... Ou Ghostbusters, c'est pareil, c'est pas des réparations. Alors que pour Batman contre Superman, c'était une version de réparation. D'accord, ouais. Et moi, ça me dérange pas si c'est comme Peter Jackson dans Le Seigneur des Anneaux et qu'on a une Ah demi-heure, une oui, heure en ah plus oui. Non, non, c'est... en director's cut. Je veux Mais... juste que le film qui sort au cinéma soit conforme au maximum C'est à la vision ça, de Snyder. ouais. C'est juste ça. S'il me sort Ouais. une version longue derrière, je serais d'autant plus ravi en fait. Oui, mais moi, ce que je parle, c'est plutôt au niveau du grand public qui risque d'être confus, en fait, je pense, avec toutes ces... Enfin, avec... Déjà, au niveau super-héros, je pense que le grand public... un peu confus avec tout ce qui se Ah bah passe. bien sûr, hein. Il y a des tentatives de rénovation de partout, mais personne n'arrive à rénover le genre. Ouais, et Ça, c'est parce qu'ils ont mis le réel de Chronicle sur la touche, sinon on aurait rénové le genre facile. c'est vrai. Mais ouais, donc avec toutes ces versions étendues en Blu-ray chez Warner, chez DC, j'ai peur que le grand public se dise, mais pourquoi je vais aller voir un film au cinéma alors que 6 mois après, j'ai le Blu-ray avec enfin la vraie version en Blu-ray. Oui, après, ça, Et c'est une logique de consommateur que vraiment je peux ouais. comprendre. Ouais. Donc voilà, moi c'est je me pose aussi la question, mais après on verra bien. Justice League, moi j'aime beaucoup. Enfin, j'adorais le dessin animé qui passait sur France 3 le dimanche matin. Ouais. Que je suis un peu déçu de pas voir Martian Manhunter dans la Justice League. C'est le mec Ouais, mais ça vert va pour venir, tu ceux qui. sais. Tu peux regarder Mais Supergirl en attendant, il est ouais. dedans. Ah oui, c'est vrai, j'ai Ouais. pas regardé Supergirl, mais enfin j'avais vu qu'il était dedans, donc... Mais voilà, à part ça, je suis plutôt content de voir comment ça se passe chez DC pour l'instant. On verra bien ce que ça va donner. Et donc ça sort le 15 novembre prochain, voilà. On passe chez Disney rapidement encore. Oh, je crois qu'on va continuer bien chez Disney, là. La version live de Dumbo de Tim Burton. Donc on a eu un casting enfin assez complet déjà. Donc il y aura alors attendez Colin Farrell, Eva Green et Danny Danny DeVito DeVito, tête ouais. principale, sachant que Dumbo c'est enfin le personnage principal donc Dumbo et sa mère ne parlent pas dans le film hein, original et que ce sont seulement les personnages secondaires qui parlent. Et que le film déjà fait une cinquantaine de minutes. C'est un film assez court. Et j'ai en fait, je me demande où ils vont placer les acteurs. Alors, à moins qu'ils fassent des voix, je sais pas comment ils Ouais. vont placer des acteurs humains parce qu'il y a très peu, voire même pas, d'acteurs humains, enfin de personnages humains dans le film original. Donc ça, je me demande comment ils vont réussir à le faire. Alors après, je suis toujours curieux. Tim Burton, Dumbo, comme ça me parle pas tout de suite, mais si je mets un peu mon imagination à l'œuvre, je peux m'imaginer un truc plutôt sympathique, donc pourquoi pas. Voilà, moi, Dumbo, c'est un de mes films préférés de chez Disney, donc ils ont intérêt à pas le détruire, parce que là, ce serait vraiment dommage. Et sachant que La Belle et la Bête m'a surpris récemment. Je suis dans un bon état d'esprit en ce qui concerne pour l'instant D'accord. les projets live. Donc j'ai foi, mais on verra bien. Est-ce que tu as vu déjà le film Oui, alors ça fait une l'original? éternité, hein, Ouais, honnêtement, je l'ai vu quand j'étais petit, donc je n'ai aucun souvenir. Après, moi, sur le projet, je suis à moitié convaincu parce que voilà, pour moi, Tim Burton, là, entre Miss Peregrine et Big Eyes, il nous offre un semblant de renaissance quand même. C'est-à-dire qu'il commence vraiment à raconter les choses qui l'intéressent et qui lui parlent. Or, on sait que quand il travaille de force pour un grand studio et surtout Disney, ça se passe très mal. On se Alice au souvient pays des notamment merveilles. d'Alice au Pays des Merveilles déjà, mais aussi de ce qu'il avait fait par rapport à Frankenweenie, c'est-à-dire qu'ils Ah avaient eu des oui, gros problèmes de direction artistique. Donc là, depuis, voilà, qu'ils sont revenus avec Disney, j'ai envie de dire, et je suis un peu cynique sur ce sujet, et d'une, il faut bien qu'il paye ses impôts. Et ensuite, si ça lui permet derrière de financer des petits films qui marchent pas comme Big Eyes, ça me va. Ouais, Mais après, il d'accord. faut que ce soit bon, c'est le problème, c'est parce qu'en fait, moi, j'en ai marre de voir Tim Burton réduit à un espèce de tâcheron hollywoodien comme les autres, et qui a vendu son âme au diable alors qu'avant, il faisait des bons films. Parce que c'est à cause de ça que Miss Peregrine n'a pas marché, c'est parce qu'on est parti avec cet état d'esprit-là, et qu'en allant au fond des choses, en fait, c'est un film qui est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Quant à Big Eyes, il n'a pas marché et personne n'en a entendu parler. Ah, Big Eye, c'était tellement bien. Ouais, c'était super bien, et je Ouf, trouve que c'est un film qui n'a pas eu le succès qu'il méritait. ouais, Et tout grave. ça pour dire que oui, pourquoi pas le Dumbo, c'est-à-dire que oui, voilà, il va travailler pour Disney, voilà, ils vont nous faire un petit film, voilà, qui va pas révolutionner le cinéma. Je veux juste que ce soit pas mauvais et moche numériquement comme le premier Ouais. Alice, quoi, c'est juste ça. Ah Mais oui. après, derrière, voilà, le casting, c'est intéressant parce que c'est la réunion des anciens et des modernes, un peu. Il y a les anciens avec Danny DeVito notamment, et la moderne, là, donc, qui est devenue la muse de Tim Burton, qui est Eva Green. Et je sais plus quel était le troisième membre du casting dont on C'est Colin parlait. Farrell. Colin Farrell, voilà, qui pour moi, voilà, n'a jamais été un bon acteur et qui tout à coup s'est offert une renaissance avec où j'ai trouvé très bon dans Les Animaux Fantastiques, notamment, alors qu'avant, moi, je m'en souvenais de lui comme l'acteur de Total Recall Mémoire Programmée, alors qui était vraiment très mauvais, quoi. Donc Ouais, là, c'était très très voilà, mauvais. c'est pas un projet qui m'intéresse fondamentalement. J'irai le voir parce que c'est Tim Burton et qu'il est hors de question que je rate un Tim Burton au cinéma. Ouais. Mais en soi, voilà, je sens que c'est un projet commercial et qu'il n'y mettra pas tout son cœur. Après, les thématiques sur l'ostracisme, sur l'orphelinat, ce genre de choses, ça lui parle. Mais j'ai envie de dire, les thématiques d'Alice, ça lui parlait aussi, et pour un résultat qui était vraiment pas à la hauteur. Donc, Quel quel gâchis. gâchis, parce que, mais moi, c'est clair que pour ce film-là, pour le coup, il n'a eu ni le final cut, ni son mot à dire esthétiquement. C'est pas Tim Burton, je considère pas que Tim Burton a réalisé ce film. Il n'y a rien de Burton dedans, sauf les jeux de miroir. Donc, il n'y a même pas de jeu de mots, quoi. Je veux dire, Lewis Carroll, c'est des jeux de mots, quoi. D'où la suite d'Alice est meilleure que la suite est meilleure que le premier, alors que c'est pas lui qui l'a réalisé. Enfin, Ouais, bref. Et donc, du coup, voilà. Donc là, le Dumbo, pour moi, c'est un projet qui m'intéresse parce que c'est Burton, mais en soi, je n'en attends pas grand-chose et je pense que je vais rester comme ça pour ne pas être déçu à l'arrivée, parce que si c'est très bon, je serai très surpris, quoi. d'accord. Ouais, moi je l'attends plutôt bien. Enfin, après j'ai peur au niveau de la motion capture. Enfin, Voilà, ce que c'est je veux ça, dire faut pas qu'il c'est au déconne. niveau des éléphants, etc. Il y a aussi une scène qui est culte dans le film, qui est une scène de délire un peu après avoir bu un peu d'alcool. Ils hallucinent des trucs et cette scène est géniale. Juste au niveau de l'animation, c'est parfait. Et j'ai envie de revoir cette scène, mais j'ai pas envie de l'avoir gâchée. Donc voilà, y a des défis techniques, je pense, assez intéressants à Ouais. relever, Mieux vaut qu'il mais. nous fasse un Belle et la Bête, voire un Jungle Book, je veux bien l'admettre du bout des lèvres, qu'un Alice au Pays des Merveilles. Oui. Visuellement, il faut vraiment. J'espère qu'ils ont appris, quoi. Ouais, clairement. Donc voilà. On va passer maintenant à Pirates des Caraïbes 5, avec une nouvelle bande-annonce avec Javier Bardem. On le voit enfin. Enfin, moi j'ai eu beaucoup de soucis avec la première bande-annonce, on le voyait vraiment surjoué à mort. Là, ça va un peu mieux quand même. Je vais le dire. Mais donc Pirates des Caraïbes, je rappelle rapidement. Pour moi que j'ai vu le premier, le premier j'aime beaucoup, le deuxième j'aime pas du tout, et après j'ai arrêté. Donc on en a parlé un peu rapidement avant d'enregistrer avec Adrien qui me conseillait de voir le 3 et le 4 tant qu'à faire, mais voilà, je le verrai peut-être avant d'aller voir, enfin si je vais voir Pirates des Caraïbes 5, je verrai les 3 et 4 bien sûr, en me refaisant le 3, le 1. Et Peut-être le pas le 2, 2 parce que bah le le 3 est la 2. suite directe du 2 quand même, hein. Ouais, si, ouais, bah, je serais obligé de Ouais. passer par là. Et pourtant, je l'ai revu deux fois, hein, le 2, pour me faire un avis. Ah Tellement oui, j'étais bien sûr, c'est dé. comme moi avec Star Wars 7, c'est Voilà. des films, t'arrives pas à y croire que tu les aimes pas, quoi. Tellement j'étais Ouais. déçu de voir où c'en était, enfin, où c'en était arrivé. Donc voilà, le Pirates des Caraïbes 5, la bande-annonce me botte pas plus que ça. Ça a l'air sympathique. Ça a l'air d'être un Pirates des Caraïbes, point. C'est pas plus intéressant que. Enfin, C'est un film qui a l'air sympathique, mais pas plus que ça. Alors, toi, je sais que tu aimes beaucoup la saga, donc Oh bah je serais alors je suis très Pirates des Caraïbes. Le premier film pour moi c'est un classique, c'est-à-dire que Ouais, enfin c'est un classique très bon film. entendons-nous, hein, c'est pas du Orson Oui, Welles, bien sûr. Mais... mais voilà pour moi c'est vraiment, et puis c'est une institution pour moi Pirates des Caraïbes quand même. C'est l'exemple même que l'humour Disney à bonne dose et dans un bon univers ça peut marcher pour moi. Ouais, En mais c'est fait, et sorti à c'est la un des bonne époque seuls pour exemples, nous. c'est sorti à la bonne époque. Donc Pirates des Caraïbes 1, super film. Pirates des Caraïbes 2, je l'ai revu récemment. J'ai juste un problème avec le fait qu'il y ait trop d'enjeux dramatiques, sachant que le 3 est encore pire à ce niveau-là. Alors que pour moi, Pirates des Caraïbes, avant tout, c'est l'humour. C'est pour ça que, contrairement aux fans hardcore de la saga, j'aime beaucoup le 4, parce qu'on revient à cette espèce d'humour irrévérencieux, sans des enjeux dramatiques de dingue. Voilà, pour ce nouveau film, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait un petit peu la part des choses. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'air C'est d'avoir de ouais. l'enjeu quand même. C'est-à-dire qu'il y a Will Turner qui revient, Elizabeth Swann qui revient, donc on a vraiment les personnages originaux. Et d'un autre côté, donc ils reviennent un petit peu pour un dernier combat, voilà, avec Javier Bardem qui veut tuer tous les pirates et ce genre de choses. Donc à ce niveau-là, ça a l'air quand même très sombre. Mais d'un Mais autre c'est côté. ouais, c'est des autres c'est... enfin c'est des autres des acteurs et donc c'est des plus jeunes, ils jouent plus jeunes ou Non, non, pas du tout. Non, non, ils jouent vraiment leur personnage. Par exemple, on a vu une image, c'était dans une ancienne bande-annonce, je ne sais plus exactement quand c'était, de Will Turner, qui en fait est devenu le. Ouais, mais le problème, c'est que là, je dois te spoiler la fin du 3, quoi. Ah Mais bon, bon. enfin, je te spoilerai pas en fait. C'est juste que voilà, donc on a une image de Will Turner, D'accord, ok. qui est dans un autre état que celui qu'on connaissait. Ok. Et donc voilà, il y a un petit peu des personnages comme ça qui reviennent pour une espèce de combat ultime. D'ailleurs, il y a écrit l'ultime aventure dans la bande-annonce, hein. Ouais, bon. Ça m'a attiré l'œil. Et Bon. donc, Tu le mot sais, ultime, voilà. chez Disney, hein, le mot ultime, hein, ça veut dire ce que ça Ouais, mais voilà, ouais, mais du coup, veut voilà, je trouvais ça intéressant. Par ailleurs, oui, moi je suis intéressé parce qu'en plus c'est très drôle, je veux dire, les quelques gags qu'on a dans la bande-annonce sont Oui, ça assez va, drôles, je trouve. À c'est part le sympa, Jack Sparrow qui s'endort, voilà, je trouve ça un peu débile, ouais. mais sinon. Mais après, bon, je vais pas en dire plus parce que j'ai pas le droit de divulguer. On a vu un extrait du film en convention, on a D'accord, un extrait du début du film. Tout ce que j'ai à dire, c'est que toute la salle était hilar. ok. Ok, Dont moi. d'accord. C'est-à-dire que niveau humour, ils mettent le paquet, très sérieusement. Et Ok. donc voilà, moi c'est un film qui m'intéresse. En plus, il y a Javier Bardem. Ouais. Voilà, ce qui m'a un tout petit peu dérangé dans la bande-annonce, mais en la revoyant, en fait, voilà, je me suis dit, non, en fait, ça va, c'est la motion capture pour Jack Sparrow jeune. Ah oui, Voilà, pour enfin, moi, Pierre, mais si on commence à ça mettre passe des très flashbacks, vite, hein. si Ça on passe commence très à mettre vite, hein. des flashbacks dans Pierre des Caraïbes, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Mais voilà, mais après, voilà, c'est très secondaire, je pense que ça n'aura pas une place importante dans le film. Et voilà, c'est parce qu'il faut bien râler un petit peu sur Disney, c'est toujours moi ça. Donc, mais en soi, voilà, s'il y a un Disney que j'attends cette année, je crois que c'est celui-là quand même. C'est quand même Pirates des Caraïbes. Pour moi, ça reste une institution. Et en plus, les premiers retours sont excellents aux D'accord, États-Unis. Vraiment excellents. Ils disent que c'est vraiment un très bon film, que c'est à la hauteur du premier. ouais. Donc, D'accord. j'ai vraiment hâte de voir ça. Et ça sort ben, dans un mois, 24 mai, Ouais, en c'est bien France, ça. donc voilà. Comme ça, Mais on a une bonne année entre on n'aura pas trop Alien et Pirates attendre. des Caraïbes. Et vraiment, il y a Ouais. des petites envies qui sortent, quoi. Des petits essais un peu risqués de non, saga c'est. qui devraient pas forcément revenir et qui essaient quand même, quoi. Donc, moi, ça me parle bien, ça. Nickel. Ben, du coup, on passe à ben, de nouveau du Disney. Hein. On sort pas de la boucle. De toute façon, quand on parle de cinéma maintenant et des news cinéma surtout, c'est principalement du Disney. Hein. On va Ouais, pas c'est le se le problème, ils sortent cacher. trop de films. Donc, c'est Spider-Man Homecoming, la bande-annonce. Donc la première bande-annonce qui est Sachant que sortie. c'est vite fait Disney en fait, hein. C'est Disney qui a un peu le contrôle créatif, Ouais, mais mais c'est. c'est toujours Sony quand même, c'est-à-dire Oui, que. oui, oui. Ouais. De toute façon, on voit le logo Sony avant le logo Marvel. Hein, donc, Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de logo Disney d'ailleurs. non, non, non. Dans les films Marvel, il y a jamais. Y a sûrement à la fin de la bande, enfin à la fin Ouais. du générique Walt Disney Company, etc. Mais voilà. Spider-Man par Tom Holland, bien sûr. Donc moi personnellement, les films Marvel, j'ai arrêté à Ant-Man. Ah oui, non mais d'accord. Et Voilà. pourtant j'étais un fan, Et t'avais vu mais Deadpool? T'avais quand même vu Deadpool? ouais, mais je parle de Ah, Marvel oui, Universe de en Marvel fait. Disney. Ah oui, d'accord, ok. Non mais t'aurais pu t'arrêter directement en J'ai arrêté à Ant-Man et j'ai pas Bon. regardé Civil War, j'ai pas regardé Doctor Strange Ah, celui-là, je te et le conseille donc. à moitié quand même. De Doctor Strange, il est quand même sympa. D'accord. Donc voilà, moi, donc cette nouvelle bande-annonce, elle me parle pas énormément, puisque j'ai pas vraiment fait connaissance avec ce nouveau Spider-Man. Moi j'en ai marre de voir Spider-Man. Non, parce que j'adore. Putain, mais j'adorais ce personnage. J'adorais Ah ce personnage. C'est c'est bien. mon super-héros préféré. Et Ah, bah écoute, c'est un de mes bien. super-héros préférés en tout cas. Mais parce que, bon, bien sûr, il y a eu les Sam Raimi qui sont sortis au bon moment quand j'étais jeune. Donc voilà, ça fait partie de mon enfance. Et puis les comics et le dessin animé, etc. Bon, voilà. Mais cette bande-annonce, elle me tente pas du tout. Et surtout, j'en ai marre. Enfin, j'en peux plus des films de super-héros de ce type-là parce que. Je vois. En fait, le truc, c'est que je vois la bande-annonce, je sais comment le film va se passer de A à Z. Oui, bah Mais oui, bah de écoute, oui. A à Z. Je Ouais. sais tous les points par lesquels ils vont passer. Je connais déjà quasiment toutes les blagues. Enfin, je vois à peu près toutes les blagues qu'ils vont faire. C'est comme si j'avais écrit le scénario, alors que voilà, j'avais rien à faire avec le film. C'est. Ouais. J'en ai marre de pouvoir prévoir la fin d'un film. Et même le milieu du film, ça me dérange. Donc, les films de super-héros, bien sûr, c'est un style à lui, à part entière, et il y a des codes qu'il faut respecter, mais je veux dire, en même temps, les codes, c'est peut-être parfois fait pour être détruits et, enfin, désobéir aux règles, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je sais plus dans quel film il dit ça à un moment, mais. Ouais, d'accord, Mais non, mais je vois. je dis ça comme ça, mais C'est genre dans Batman ou je voilà, sais pas donc. quoi, il y a Joker qui dit ça, je crois. Non, je sais plus qui c'est qui dit ça. Bon, Ok, bref. ouais, Ouais. non. Mais donc voilà, pour moi, Spider-Man, c'était mort après. Bon, le 3, c'est un de mes plaisirs coupables, je l'avoue. Mais après The Amazing, enfin, c'était, j'ai pas beaucoup aimé. Et le 2, n'en parlons pas. Et j'en ai marre de voir Spider-Man rebooté, en fait. Ouais. J'en ai marre, voilà. Donc voilà, j'en ai beaucoup parlé. Et la bande-annonce me tente pas du tout, voilà. Qui est dedans nouveau? Il y a machin. Ah, j'oublie son nom, Birdman. Michael Oui, il Keaton. y a Michael Keaton. Oh là là. Qui fait un peu pitié à voir, on va dire. Non, je suis méchant, mais Non, non, non. Et tu vois, c'est tellement, mais c'est mérité, c'est vraiment mérité. c'est un peu dommage parce que, après Birdman, franchement, se Non mais mettre à. attends, ouais c'est clair. Se mettre à ce niveau-là, enfin, c'est un peu dommage, je trouve. Donc voilà, je vais te laisser parler pour dire ce que Bon t'en alors, penses. je vais essayer de pas m'énerver, hein, parce que c'est pas D'accord, facile. vas-y. Toi, tu as vu. Parce que moi, Ouais, tu. Spider-Man, Ouais. c'est mon super-héros préféré. Ouais. C'est-à-dire que je suis hyper fan des films de Sam Raimi. Les comics, je suis tellement fan des comics Spider-Man que j'ai mon arc préféré. C'est un arc qui s'appelle Superior Spider-Man que tout le monde déteste, mais moi je trouve Ah, génial. c'est trop bien, mais. C'est avec c'est super bien, tu vois. C'est trop J'ai, bien, j'aime c'est bien les trop bien. Amazing. En fait, le Ouais. premier, je le trouvais sympa pour le côté un peu arachnéen sur comment Peter jouait de manière. Je trouve, en fait, c'est moins les films que j'aime beaucoup que l'acteur en fait qui joue Spider-Man. Et voilà, je fais partie des très très rares qui estiment que Amazing Spider-Man 2 un jour sera remis à sa juste valeur parce que je trouve que c'est un super D'accord. film. Ouais, moi je suis pas super, Mais enfin. alors comment exprimer ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti un sentiment de rage. J'étais Ah ouais, énervé. carrément. Ah non, mais attends, mais en plus, c'est horrible. Mais pas merci parce que tu m'as forcé à la revoir là, avant l'émission parce que je me suis Ah, décliné ce qu'il y avait dedans parce que mon cerveau avait effacé ça, tu vois. Non, Et mais donc, ouais, mais là je l'ai vu comment il te. y a, y a quoi? Il y a 1 heure et je l'ai déjà oublié. Hein, c'est. Non, mais comment te dire? Comment te dire? Je vais pas endormir la nuit, quoi, c'est pas possible. Ouais. C'est. Quand tu fais un film Spider-Man, ce qui est important, c'est d'avoir des idées visuelles. Visuellement, il faut que tu aies des Ah idées. oui, bah. Scénaristiquement, c'est pas grave si tu te loupes. Spider-Man 2, Au pire, ce sera rattrapé. Voilà, wink Spider-Man 2. Si wink. c'est débile, parce que Spider-Man 1, moi, enfin, surtout Non. le 3, en fait, dans mes souvenirs, Spider-Man 3, c'est un film qui est un peu débile, hein. C'est un film qui, Oui, voilà. ouais. Mais visuellement, ça passait tellement, et c'était tellement. Il y avait tellement une ambiance qu'en vrai, encore aujourd'hui, je trouve que ça passe. Ce film-là, je l'ai déjà vu 150 000 fois. Ouais. Vraiment, c'est-à-dire que tous les plans, je les ai déjà vus. Le plan où il tire là, les deux trucs avec sa Là, toile, mais. Voilà, c'est pour on ça. l'a vu Spider-Man 2, on l'a Spider-Man 2, vu, tu on l'a vois, on l'a vu. vu. C'est Tu pas la vois, peine de nous le remettre, tu il vois. le cite encore. Il le cite Non, encore. mais tu sais qu'au Alors que 1er c'est avril, sorti en pour le. 2004. Ouais. Je te fais un petit aparté, tu sais qu'au 1er avril, pour le site sur lequel je travaille, on avait sorti des poissons d'avril, des fake news. Et on était tellement énervés sur Spider-Man qu'on a quand même mis, et finalement, Spider-Man Homecoming sera bien un reboot du premier film, tu vois, de Sam Raimi. Tu vois, tellement, tellement c'est devenu un gag, tellement j'en peux plus. Mais Michael Keaton, le pire opportuniste de la Terre, il fait Birdman, qui était presque Ah, un mea culpa par ça. rapport à Batman, qui était Ouais. une espèce de d'entrée en lui-même, d'introspection, tu vois. Et derrière, il va jouer le vautour dans Spider-Man Homecoming, c'est même plus Sam Raimi qui réalise, c'est un espèce de tâcheron qui a fait deux films dans sa vie, quoi. Enfin, c'est... Au secours! Qui a... Est-ce qu'il reste des gens avec un peu d'intégrité chez Spider-Man, pour Spider-Man? Je sais Non, pas. c'est pas possible. Ils nous en ont fait un teen movie. J'ai rien contre les teen movies. Un teen Ouais. movie archi lourdingue avec le pote geek qui est Mais forcément gros et tout ça. Enfin, en plus, ils ont pris ça de Ultimate, hein. mais oui, mais Je, y a... il, dans ces c'est. cas-là, tu prends Miles Morales aussi. Ouais, voilà, Je c'est suis ça. désolé, tu prends ce C'est. qui dérange entre guillemets parce que c'est ce qui dérange derrière les communicants et ce qui dérange un petit peu l'États-Unis qui est encore un peu puritaine, c'est on n'aura pas Spider-Man Black, machin truc. Mais j'ai envie Ouais. de dire, si t'adaptes Ultimate, t'as aussi Mais ça le ressemble tellement à courage. Ultimate que T'as aussi c'est. le Enfin. courage d'adapter ce qui a Ouais, dérangé dans c'est Ultimate. ça, C'est voilà. comme s'ils nous adaptaient Super Spider-Man, mais pour une raison ou pour une autre, ils mettaient pas Docteur Octopus dedans, tu vois. Oui, bah Enfin, il voilà. y a un Non, ce moment, serait. faut faire des choix. Alors, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Si ça se trouve, il y aura Miles Morales dedans, et là, je ferai mon mea culpa. Mais dans ce qu'on a Serait vu tellement pour bien. l'instant, c'est tellement plat, vide, sans intérêt. J'ai vu ça 10 000 fois. Ils nous ont mis Iron Man dedans. Je veux dire, c'est tellement mauvais Bon, qu'ils nous ont mis Iron Man dedans, tu vois, juste pour dire, allez, c'est pas trop c'est mauvais, un tu vois, il y a peu, Iron ouais, Man, c'est quoi. un peu par rapport à Civil War, enfin, Mais je veux c'est dire, même pas drôle! c'est C'est la même pas drôle, relation, c'est ouais. Ah horrible. non, Les c'est pas blagues que drôle, hein, font c'est pas Spidey, il fait drôle. deux blagues dans, il fait deux blagues dans la bande-annonce, c'est pas drôle! Normalement, J'avais oublié Spider-Man, qu'il y il avait est des blagues, censé tu être vois. drôle. Mais oui, et là, je trouve Spider-Man, que il est c'est censé ce être qui drôle. fonctionnait avec le Spider-Man de Mark Webb. Oui, c'est vrai. Si je trouve, il Ouais, était drôle, Peter. ça au Franchement, il moins, était drôle, avec ça, sa ouais, sonnerie de ça c'est portable qui vrai. était la sonnerie du film original et tout ça. Enfin, il y Ouais. avait de l'idée. Là, il y a que dalle! Ouais, Et les références sont même pas assumées, quoi. Enfin, vraiment, c'est... ouais. Ouais, bah oui. Non, parce Voilà, que c'est le impossible. Ultimate, il adapte ce qu'il veut dedans. Mais bien sûr, il a pris... Oh, bah, je Voilà. vais prendre ce qui est un peu lol, Ouais. tu vois. Enfin, c'est Ouais, vraiment, c'est voilà, pas c'est ça. possible. Mais Tu fais c'est. pas de... Je veux dire, si tu veux faire un truc sans individuel, tu fais un Captain America, personne ne t'en voudra. Déjà, tu fais pas un Thor, pour commencer. Et ensuite, tu fais pas un Doctor Strange, et tu ne fais pas un Spider-Man. C'est pas possible. C'est les méchants les plus hauts en couleur du monde. C'est le méchant, il y a le Bouffon Vert et Octopus réunis. Comment tu veux faire un film aussi plat, quoi? Non, vraiment, c'est... Bon, Oh voilà. là là là, non, non. C'est On la n'est pas pire emballé nouvelle, je crois que par. c'est la pire news là, de l'émission. Je serais plus calme, même quand on reparlera, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il y a derrière, mais je pense que Ouais. c'est vraiment le pire, ça, pour moi. Ok. Mais je crois que je t'ai vu un peu râler sur la prochaine news, donc ça va continuer. Voilà, donc vous avez ce qu'on pense de Spider-Man au Ouais, commis. c'est ça. Je sais même pas Sachant si qu'il y j'irai aura un voir, mea... quoi. Sachant que pour moi, il y aura clairement un mea culpa si je trouve le film bon et que je ne demande que ça, vraiment. Mais Ouais, c'est bah très mal oui. parti. C'est très très mal parti. Voilà. Moi, il faudrait que je voie déjà Civil War. Ouais, trop. Hein. Non, le Bon. passage des Spidey sont sympas dedans. Ouais, apparemment, ouais. Enfin, j'en ai entendu parler, C'est un peu mais. lourdingue, mais c'est sympa. Ok. Passons à ça. Ah! Ah oui, bah non, mais là, non, je vais pas râler, c'est-à-dire que bon. Ah non, Non, vas-y. je croyais que je t'avais vu râler, mais c'est pas. Sans plus, c'est-à-dire que ouais. Voilà. Donc, ça, l'adaptation enfin, déjà. Du roman, du double roman de Stephen King, plus l'adaptation de la série, enfin du film télé avec Tim Curry, il me semble. Oui, c'est ça, Ouais, ouais. voilà. Et donc là, ils en font un film, vraiment, film cinéma, sur ça, donc le clown tueur. Donc il y a eu la première bande-annonce qui est sortie, ça sortira le 20 septembre en salle, normalement. Voilà. Alors, Stephen King, j'adore déjà, et ce que j'ai pas aimé dans la bande-annonce tout de suite, c'est qu'ils disent, d'après la nouvelle la plus terrifiante, enfin, d'après le roman le plus terrifiant de Stephen King, il y a des romans beaucoup plus terrifiants que ça. Ça, c'est très bon. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça. It, c'est très bon en roman, parce que j'ai pas vu le film télé. Ouais, moi c'est le contraire, c'est le contraire, j'ai pas lu, alors que je suis un fan de Stephen King, j'ai pas lu le Ouais. roman, mais j'ai vu le téléfilm. Ouais, les romans sont plutôt bons, franchement, c'est du Stephen King, donc c'est toujours un peu le cliché du Stephen King, mais c'est toujours bon à voir, enfin à lire, pardon. J'ai pas vu comme j'ai dit, j'ai pas vu le film télé. Alors, cette bande-annonce, bof. Moi, tout ce qui m'a plu à peu près dans la bande-annonce, c'est les idées un peu visuelles, les angles de caméra qui ont l'air sympatoches. Même si ça a l'air d'être déjà vu 3000 fois. Tout ce que j'espère, c'est ils en font un peu dans la bande-annonce, et j'espère qu'ils en feront pas trop, c'est des jumpscares, parce que c'est un peu dommage d'en faire pour un truc qui est censé être quelque chose d'ambiance. Et pas. Enfin. D'accord. Alors je sais pas, j'ai pas vu le téléfilm, ça se trouve, c'était que des jumpscares, je sais pas. Non, c'était surtout Ah, chiant d'accord. Ok. en fait. D'accord. Mais non, mais voilà, j'en attends pas plus que ça. Je sais que Morgane l'attend beaucoup. Ouais. Alors, ouais, je sais pas en fait. Alors, apparemment, c'est le téléfilm qui a fait que beaucoup de gens avaient peur des clowns. Je peux Ouais, comprendre, mais moi pas, mais voilà, ouais. ouais. Je Je veux sais dire, pas, faut vraiment tu. être avoir la phobie des clowns à la base pour avoir peur D'accord, de ouais. ça, vraiment. Donc voilà, t'en as pensé. Déjà, tu penses quoi du. Ouais, tu t'as dit que c'était chiant, donc Bah en t'as fait pensé quoi de j'aime ça? pas du tout le téléfilm original parce que je trouve que ça a très mal vieilli, que ça fait pas Ah peur une oui, bah seconde et que apparemment. et qu'en plus c'est interminable. Oui. Après j'ai pas eu le bouquin donc je peux pas parler, je le lirai parce qu'en plus je suis très fan de Stephen King aussi donc c'est vraiment un qui me manque. Et pour ce nouveau cru qui nous est gracieusement offert par les instances hollywoodiennes, je vais citer Helmut Fritz et dire ça m'énerve. Parce que Oh mon dieu, c'est comment tellement. t'expliquer? Oui voilà, ce que je me disais, Morgan n'est pas là, je vais quand même faire une petite référence Ouais, tu peux musicale à tout la faire. con. Alors c'est pas possible. Alors comment dire? En soi, voilà, non, je vais pas m'énerver parce que j'en ai tellement rien à faire du projet à la base que pas de raison que je m'énerve. Mais je veux dire, je suis très fan des films d'horreur, je vais voir tous ceux qui sortent et tout ce que j'ai vu là, c'est des trucs que j'ai déjà vu 10 millions de fois, sauf qu'en plus Ah c'est des oui. trucs débiles, du genre le gamin qui court et qui se prend un truc dans la tête, ce qui fait qu'il tombe. Je sais pas si c'est dans le bouquin original, mais là c'est très mal fait, c'est-à-dire que comment le gamin il voit pas le truc en face quoi. Et Je sais en plus. plus dans le plan derrière, j'ai l'impression que le truc en face est plus grand que le gamin, il faudrait que je revérifie le. Faudrait que je Ouais, revérifie la bande-annonce, j'ai je sais pas pas, fait, pas fait ça m'a gaffe. un petit peu sauté à l'œil. Bref, donc du coup là, fait aucune attente. Et comme tu dis, il y a quelques jumpscares un peu. J'ai pas envie de dire Ça minable sert pour à pas être rien. méchant, mais vraiment, qu'est-ce que si pour toi, si pour eux, la vision du cinéma d'horreur, c'est des jumpscares, Ben, ils ont je veux ouais, ils ont dire. jamais vu de film d'horreur. Voilà, c'est ça. Enfin, j'ai envie de dire, à chaque fois que vous avez un film d'horreur un peu casse-gueule, donnez-le à James Wan, et vous en ferez un truc bien, tu vois. Parce que là, je sais pas qui a un peu. Hein, je sais pas qui a réalisé le film, je sais pas ce qu'il a fait avant. Mais enfin, clairement, visuellement, j'ai l'impression de regarder Bah, Channel Zero, je sais pas si tu connais la série là c'est. qui est. Ah oui, oh putain, ouais. Ouais, t'avais pas aimé? J'étais pas. Enfin, je suis pas allé jusqu'au bout. Ouais, t'as bien fait. Parce que C'est moi, réalisé par. j'ai attendu que ça démarre pendant une saison quand même. Ah, c'est du courage. C'est Ouais. réalisé par Andrés Muschietti, donc révélé Ouais. par Mama. Donc, Ah, c'est lui qui a réalisé Mama? il me semble, ouais. Ah ouais, d'accord. Bah, je sais pas où il a foutu ses idées visuelles parce que Ouais, c'était parce qu'il si en c'est avait lui, plein dans ouais. Mama. Mais. Ouais, justement, c'est pour ça que ça me. Enfin, Bah là, moi, visuellement, c'est vite. Channel Zero, hein. Ah, moi, Vraiment. visuellement, ça m'a assez plu, on va dire. Ah, J'ai ouais, je beaucoup sais aimé pas. certaines idées. Alors, après, c'est sûr qu'il y a certains trucs qui sont vraiment pas. Enfin, le jumpscare, etc. Mais, visuellement, le clown, on le voit pas vraiment, mais ça a l'air d'être un clown basique, quoi. On Enfin. en a vu des images dans les affiches et tout ça, voilà, il fait vaguement peur, et si t'as la phobie des clowns, t'auras peur du film, mais Oui, bon, la c'est. vraie prouesse du film, ce serait d'arriver à faire peur ceux qui n'ont pas la phobie des clowns et ceux qui n'ont pas la vision du premier film, un Ouais. petit peu, j'ai envie de dire, perverti par le fait qu'ils ne l'ont pas revu depuis qu'ils étaient tout petits, quoi. Parce que moi, je peux dire que j'ai vu quand j'étais petit, j'avais eu peur, et je l'ai revu depuis, c'est con un môme, hein. Mais Non, non, mais je sais pas, non, j'irai le voir parce que je vais voir, comme j'ai dit, tous les films d'horreur qui sortent, mais bon, je veux dire, c'est l'année où il y a Saw, l'héritage qui sort, donc c'est clairement pas ma priorité, tu vois, d'aller voir ça, quoi. Ouais. Donc voilà, je crois que c'est tout ce qu'on va en dire. Que du positif dans cette émission. Bah, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Ouais, après, à part quelques-uns, c'est pas. Donc, ouais, rapidement, parce que je vais pas en passer des heures, mais Mission Impossible 6, donc il me semble qu'il est en tournage. Et je crois que c'était à Paris d'ailleurs. Oui, ils ont tourné beaucoup à Paris, ça se passe beaucoup à Paris, je crois. D'accord. Par contre, pour Mission Impossible 6, Jeremy Renner ne remplira pas puisqu'il est occupé pour faire le prochain Avengers. Ce qui, moi, je trouve ça dommage parce que les derniers Missions Impossible, donc 4-5, ils arrivaient à assembler une équipe qui restait pour une fois parce que les premiers Missions Impossible, donc 1-2-3, il y avait Bon, toujours une c'était le équipe qui, bazar, hein. enfin, ouais, Il y voilà, avait des l'équipe. traîtres partout, ça aide pas. C'est ça. Et puis il était toujours seul. Alors que là, il formait vraiment une équipe, Simon Pegg, Jeremy Renner, etc. Enfin, il y avait vraiment une équipe qui se formait, qui avait l'air d'être consistante et intéressante en plus, des Ouais. personnages Et intéressants qu'on Rebecca avait envie de voir. Ferguson qui débarque, je ne Voilà, sais ouais, quel film, c'était Rebecca vraiment pas convaincant. Ferguson. Ouais, c'était vraiment très bien. Et là, c'est un peu dommage que pour Avengers, quoi, ils auraient pas pu trouver un autre. Enfin. Ouais. Moi, je pense que Avengers, ça paye plus que Mission Impossible 6, Non, mais en plus, je vais peut-être. pas bitcher là-dessus parce que je l'attends quand même pas mal, l'Avengers 3, donc je Oui, peux pas non, mais. dire que Enfin. je Non, préfère qu'il abandonne, que ce soit un projet comme ça non. Mais que la après, suite de si c'est Jason pour Bourne que. l'héritage, quoi. Oui, non, d'accord. Voilà. Non, mais si c'est pour que Faucon, il fasse rien pendant tout le film, ce serait un peu Non, dommage, quoi. ouais, oh, je sais pas, ouais. Bon, non, dans Age of Ultron, ils avaient quand même réparé un peu ça. Mais bon. Donc voilà, moi je trouve ça un peu dommage. Toi, rapidement, Bah tu moi t'en. oui, je trouve ça dommage aussi parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, Jeremy Renner, et je trouve que la seule fois où on lui a donné une occasion d'être un peu au premier plan, c'était pour la grosse bouse qui était Jason Bourne l'héritage. Donc si tu veux, je trouve ça dommage qu'une fois de plus, il sacrifie un film où il a plutôt... Cela dit, dans Mission Impossible 5, il n'était pas tellement là non plus, hein. Il avait quelques scènes, mais Oui, c'était ouais. Simon Pegg était déjà beaucoup plus présent que lui. Mais donc oui, en soi, c'est dommage, c'est une équipe qui fonctionne, et c'est un peu dommage de voir Jeremy Renner, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui dans Premier Contact a révélé qu'il pouvait faire autre chose que ce qu'on savait de lui. Voilà, qui quitte cette belle petite équipe. C'est un peu triste, après, de là à dire... Enfin, moi, je comprends qu'il parte pour Avengers. C'est un film... Il a quand même un rôle beaucoup plus consistant. C'est quand même un peu la troisième roue du carrosse dans Mission Impossible, Jeremy Renner. Hein. Il a pas beaucoup... C'est Oui, un c'est personnage qui a vrai. pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup. C'est toujours un peu suite. T'as l'impression qu'il va trahir à un moment, quoi. Donc, non, je trouve que... Voilà, c'est... Ça m'embêterait beaucoup plus que Simon Pegg part que lui, tu vois. Ah oui, bon, là, c'est sûr que. Donc là, voilà, c'est un Ouais. acteur que j'aime beaucoup. Je suis un peu déçu de pas le voir dans le prochain. Mais en soi, voilà... Je trouve que c'est pas quelque chose Sachant qui... que Ça va pas Henri bouleverser le Cavill. Ouais. film, c'est quand même Macquarie qui réalise, il y a Rebecca Ferguson qui revient, Tom Cruise, ça se passe à Paris, enfin c'est quand même un film qui a tellement tout pour lui qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc. Et Henri Cavill a rejoint le casting. Hein. Donc, Ah voilà. bon, je croyais que c'était Apparemment. pour un autre film, je croyais que c'était pour un autre film d'espion. Apparemment, Parce qu'on c'est l'a vu sur pour. Paris, mais... Ah si c'est pour ça, tant mieux, parce que moi j'aime beaucoup Henri Cavill, Ouais, mais... dans un rôle proche de celui tenu par Jeremy Renner. Donc, Ah oui, bah on d'accord, verra très bien. bien. On verra bien. Passons à Thor 3. Bande annonce, World War Thor. Pour ceux qui connaissent le comics World War Hulk, comprendront la référence. Moi j'attendais tellement un film World War Hulk, j'étais tellement déçu de le voir gaspillé dans Thor 3, mais c'est pas grave. On a eu la bande annonce, la première bande annonce du film qui sortira le 25 octobre prochain en salle. Voilà. Alors. La saga Thor, on va dire, on va séparer tout ça de Marvel, on va se concentrer sur les films Thor. Ouais. Le premier est ce qu'il est. Oh, c'était pas sale, hein. C'est pas, enfin voilà, c'est pas dégueulasse, mais enfin, C'est sympa, comme on dit. C'est pas... voilà, c'est ça. Ouais. Le deuxième était un peu mieux, je trouve, Ah mais bon? pas non Oh là là. plus tellement que ça. Ah bah pour moi, c'est la grosse daube de Marvel. Je préfère Ouais. encore revoir Ant-Man. C'est une insulte de taille, d'accord? Je préfère revoir Deadpool. Non, quand même pas, mais... Non. On Non, préférait bon, voir voilà. Deadpool. C'est des films qui, pour moi, dans mon esprit, se valent à peu près, quoi. C'est pas des grands films Marvel, voilà. Non, c'est sûr. Et ça a jamais été un personnage qui a été vraiment mis à sa valeur. Comme il se devrait en fait dans ses films perso en tout cas. Donc Ouais. voilà. Là c'est ça a l'air d'être en fait je pense que ils se sont dit bon ben Thor il est vraiment pas intéressant tout le monde s'en fout un peu de lui. Ouais, il Donc a pas tellement sa fanbase, hein. voilà, c'est ça. Donc on va mettre un esprit comme dans les comics des années 70. On va faire un truc hyper kitsch, hyper coloré, et puis y aller à fond dans le délire. Alors bon, je sais pas encore ce que, enfin, de ce que j'en ai vu, je suis pas non plus hyper méga fan, mais ça, je suis un petit peu, ça a piqué mon attention, Ouais. un tout petit peu, parce que ça a l'air d'être assez, enfin, le délire complètement kitsch, assez rock'n'roll, tout ça, pourquoi pas? Surtout dans un film Thor qui sont souvent des films un peu lourds, un peu chiants. Voilà. Et puis en plus, enfin, J'espère vraiment voir un plus grand rôle pour Idris Elba. Putain, c'est tellement un bon acteur, il est tellement gâché dans cette saga, c'est ça me Le ça pauvre, en c'est plus, le rôle qu'il ouais. a, enfin, excuse-moi. Ouais, le rôle le gardien de la porte quoi. Ah putain, mais n'importe quoi. Bon, passons. En tout cas, Idris Elba, j'espère qu'il aura un plus grand rôle dans ce film, ça me fera beaucoup plaisir comme on dit. Donc toi Eh tu bah as vu la écoute, bande-annonce? Ouais. ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir me parler en fait Ah. sur Marvel, parce que Bah moi oui. voilà quoi, parce que bah oui parce que j'ai trouvé ça très sympa. C'est-à-dire que pareil, moi vraiment Thor, voilà pour moi j'ai bien aimé le premier et le deuxième, enfin j'ai bien aimé, Oui, entendons-nous, voilà voilà, je trouve oui. ça sympa. Le deuxième film pour moi c'est pas possible, c'est une catastrophe, autant visuellement que dans l'histoire. Et là bah Ouais, ça, bah là visuellement, bah c'était pour le horrible. coup ils ont admis que ce qu'ils racontaient c'était complètement con. Ouais, Sauf qu'ils voilà, prétendent c'est plus vrai. avoir, sauf qu'ils prétendent plus avoir des enjeux dramatiques. Donc C'est ça vrai. me va. Bizarrement, ça me va. C'est-à-dire que là, il arrive dans l'arène. Attends. Pour la première fois de ma vie, je suis attaché T'as à rigolé. Thor. Je Ah suis attaché au personnage. C'est-à-dire qu'au moment où il voit ouais. Hulk défoncer la porte et qu'il crée un yes avec son grand sourire, Ouais, et si. bah Ouais, ouais, c'est. ça Ouais, fait du bien, quoi. J'ai envie de dire oui, bah ça lui va très bien. Même ce petit casque à la Astérix et tout ça, bah oui. ouais. Bah pourquoi pas? Bah, honnêtement, pourquoi pas? Je veux dire, s'ils assument un petit peu ce côté rétro. Mais voilà, c'est ça en fait, Et c'est ce ce qui me plaît côté, beaucoup. voilà, voilà, on va assister à des grands combats épiques avec Loki, avec ses épées, tout ça qu'on voit dans la bande-annonce, et qu'on va pas nous embêter avec Nathalie Portman qui a définitivement quitté le casting et que Oui, ça qui a fait un quitté le bien casting. fou. Même avec Cate Blanchett qui m'a l'air sympa, je trouve que visuellement ça a l'air bien, c'est Et joli, puis Jeff c'est. Goldblum. Et Jeff Goldblum, voilà, moi je suis pas Ouais. très fan du look, mais bon voilà, Ouais. pourquoi pas, c'est assumé. Enfin, je veux dire, pour une fois que Marvel nous font un truc qui ressemble pas à 10 000 autres trucs. Un petit peu Ouais. sympa, un petit peu voilà, sympa à regarder, joli, fun, agréable, qui peut nous attacher au personnage et qui en même temps nous fait passer un bon moment. Pff, bah oui, enfin voilà ce que j'ai vu, Ouais. vraiment ça m'a plu, j'ai envie de voir ce film. Alors que pourtant j'étais le premier à dire que. Il y a juste Ah un oui, petit truc non, qui me ouais, il chiffonne, c'est m'intéressait que pas. dans Doctor Strange, sans te spoiler la fin du film, il y avait une scène post-générique qui liait Strange à Thor et qui D'accord, ouais. disait ensuite, genre je vais vous aider. Donc c'était un espèce de teasing qui nous teasait Doctor Strange dans Thor 3. Or, on n'entend plus parler. Donc je sais pas Bah, ce qu'ils vont en faire. peut-être que ce sera un petit coucou Oui, je pense aussi. Mais du coup, avant voilà, je suis Avengers très content. 3. Ça me donne d'autant plus envie de voir le film. Et oui, même voir Hulk et tout ça un petit peu énervé et pas dans cette espèce Ouais. de position débile qu'il avait dans Ultron avec sa romance qui me donnait envie de me flinguer avec. Ah oui, Avec ouais. ce qui est, je suis le premier à défendre Ultron, mais ça c'était quand même la pire idée du film. Voilà, moi pour une fois, si ils surchargent pas un enjeu dramatique et s'ils nous font un film sympa qui est agréable, moi je serais très content. Et pour l'instant, je suis très content. Ouais, non, moi, ouais, c'est, j'adore tellement le comics World War Hulk que j'étais un Ouais, peu ça je l'ai pas lu déçu de. celui-là. Je le conseille vraiment, c'est vraiment une très bonne histoire de Hulk, justement. Je suis pas non plus méga fan du personnage, mais celui-là, il est vraiment très bien. Et je suis un peu déçu parce que normalement c'est censé se placer sur une planète où il y a que des Hulk et c'est trop, enfin l'idée est trop géniale quoi, Mais c'est complètement. possible, hein, parce que ce soit ça, parce qu'il a pas l'air de le reconnaître dans la bande-annonce, hein, Bruce Banner. Ouais. Donc si ça se trouve, c'est un Ouais, Hulk, c'est un mais autre truc, en fait. Il croit le reconnaître alors que c'en est un autre, on sait pas, hein, pour l'instant. c'est possible, mais Ce serait une bonne voilà, enfin surprise. ouais, c'est, mais c'est complètement barré du coup et c'est. Voilà, je suis un peu déçu, mais en même temps, je peux comprendre Marvel parce que les films Hulk solo, ça a jamais vraiment bien marché. Ouais. Donc je pense qu'ils se sont dit, bon ben, si on veut caler cette histoire, il vaut mieux la caler à un moment où ça va avec un autre personnage qui est un peu plus aimé que Hulk ou je sais pas. Donc Ouais, voilà, c'est ça, ils sont un c'est. petit peu assurés d'avoir un espèce d'Avengers, enfin de spin-off à Civil War presque, là, où les personnages qui n'étaient pas dans Civil Ouais. War sont là ensemble. Ouais, c'est ça. Et puis, on n'a pas parlé, mais quelqu'un détruit le marteau de Thor. Et ça, franchement, Ah oui, bah on se oui, demande bah ce qui là, se oui, c'est ça. passe. On Après se nous demande ce qui avoir se passe. bassiné pendant 2 heures dans l'Ultron avec le Ouais. fait que le Que marteau, c'est c'est le marteau, indestructible et que ouais, c'est personne ne ça. peut le soulever et que machin, machin. Là, il y a une nana qui arrive, elle l'explose. Bon, bah, ouais, je veux bien en savoir plus. Hein. Donc voilà. On verra bien ce que ce sera au niveau des ennemis aussi. On verra bien parce que bon, c'est toujours un peu le problème. Allez, et chez Thor, c'est les pires. Chez Thor, franchement, c'est vraiment les pires, les faceless enemies. Hein. C'est vraiment les elfes tout nazes là, du 2, ils sont horribles. mais bon, voilà. bon, voilà, on a parlé de ça. Ça sort le 25 octobre. Donc, putain, il va y avoir encore une année super chargée au niveau super-héros. Ouais, bah, je suis content, c'est la veille de mon anniversaire, tu vois, il y a Marvel qui sort la veille de mon anniversaire, je suis Parfait. ravi. Et surtout à Marvel où t'as pas besoin de. Enfin, où tu. Pour l'instant, tu ne dis pas grand-chose Bah, de. où c'est pas Ouais. Spider-Man, hein, voilà, c'est ça, Ouais, c'est voilà, c'est ça. ça. Ça fait plaisir, Ouais. merci Marvel, pensez à moi, faites-le plus Faites souvent. le plus souvent. Donc, on va parler de Joss Whedon, on parlait de Avengers, mais là, cette fois-ci, on parle du DC, ce qui est assez étonnant, puisqu'on. On s'attendait pas à ce genre de nouvelles. Au début, c'était qu'une rumeur, donc que Joss Whedon fasse un film solo Bad Girl. Donc déjà, un film solo Bad Girl, c'est assez cool, même si je connais pas trop le personnage. Mais en plus que ce soit Joss Whedon qui soit choisi, ça c'était vraiment la grosse surprise. Et moi, j'y croyais pas du tout quand c'était une rumeur. Mais finalement, ça a été confirmé par lui-même. Donc et qu'il a indiqué qu'il voulait pas une grande star pour jouer, pour incarner la super-héroïne, ce que je trouve une très bonne idée. Parce que c'est, enfin, dans ce, enfin, j'ai l'impression que toutes les grandes stars d'Hollywood veulent aller vers Marvel, tout ça, tant que c'est le moment encore. Donc, on voit, enfin, Jeff Goldblum, c'est pas non plus la plus grande star, mais enfin, Cate Blanchett, C'est les etc. acteurs qui Enfin, sont un peu en fin de règne et qui essaient de se oui, retrouver voilà, c'est comme ça. Michael Keaton, hein, c'est pareil. Oui, voilà. Mais là, il veut pas, il veut personne. Enfin, il veut pas une star pour incarner la super-héroïne, ce qui est une Après, on très verra bonne ce que le idée. studio en dira, hein, de toute façon. Ouais, voilà, parce que bon, et chez Marvel, il a déjà eu quelques petits soucis avec Age of Ultron, et même le premier Avengers, il me semble, je connais pas trop tout ce qui s'est passé, Surtout mais Ultron, en fait. ouais. Surtout Ultron, donc là, il va essayer enfin, de converser avec Warner, c'est pas la même logique, on va dire, Ouais. mais c'est une logique différente, et c'est pas non plus. Voilà, on verra bien. Voilà, on n'en sait pas plus. Apparemment, c'est peut-être lui qui le. Qui le bon, c'est lui qui le réalisera, mais c'est peut-être lui qui l'écrira. On n'est pas sûr encore. Donc voilà. Est-ce que tu connais déjà le personnage de Batgirl? Est-ce que tu es familier Je le avec lui? connais un Ouais. petit peu de par des échos que j'ai pu en avoir en lisant des comics Batman, par Oui, voilà, exemple. c'est ça, ouais, c'est Donc pareil. moi c'est un personnage voilà qui m'a l'air très intéressant, notamment on l'a vu un petit peu dans l'Arkham Asylum, ce genre de choses. Donc vraiment c'est un personnage intéressant. Moi je suis ravi, je trouve la news très étrange en fait, parce que je suis ravi de Ouais. voir que Joss Whedon aille chez DC et qu'ainsi on continue cette politique d'auteurs qui font des films chez DC et pas de mecs lambda. Je veux dire, même pour Suicide Squad, David Ayer, c'était pas n'importe qui. C'est le Oui, mec qui non, c'est avait fait vrai. Fury et c'est le mec qui avait fait derrière End of Watch qui était excellent. Donc, je suis ravi qu'il continue sa politique qui ne fonctionne pas toujours. Après, Joss Whedon qui va dans un film de super-héros, notamment dans un gros studio qui est connu un petit peu pour avoir la bride sur les réalisateurs, c'est étonnant quand on sait ce qui s'est passé à Ultron. Il Oui, avait c'est dit plus vrai. jamais qu'il remettrait les pieds là-dedans. Donc, à mon avis, il a dû négocier un contrat qui lui donne le contrôle Ah créatif. Parce que c'est pas Donc ça, possible c'est une bonne autrement. nouvelle. Il se laissera pas briser une deuxième fois. Je veux dire, c'est pas Ouais. possible. Connaissant Joss Whedon, c'est un type qui vraiment a des idéaux. Donc je pense que c'est plutôt une bonne Oui. nouvelle sur la politique créative de DC Comics. Ouais. Après, on verra bien. Qu'il fasse un film sur un personnage féminin, c'est tout à fait louable. Parce que c'est le mec qui a fait. Bon, on préférait évidemment que ce soit Buffy. une femme qui fasse le film pour une fois. C'est vrai, Mais ouais. c'est Joss Whedon, c'est pas n'importe qui. C'est un mec quand même féministe dans l'âme qui a quand même créé Buffy. Bon, Ouais, il a c'est un vrai. peu écorché le personnage jusqu'à comment il s'appelle? Dans ce cas de Scarlett Johansson, de Ah, Black Widow, ouais, dans Black Widow, Ultron, ouais. il a un peu écorché avec cette espèce de line hyper limite sur le fait, tu vois, je suis un monstre parce que j'ai avorté. La line Ah oui, c'est vrai. était très limite, on comprenait pas bien ce qu'il voulait vous dire. Ouais. Mais bon, on va dire que c'est pas lui qui l'a écrite ou alors que c'est un accident, et on va surtout retenir Buffy qui était exceptionnel à ce niveau-là, qui vraiment, moi j'en ai vu que quelques épisodes, même qu'un Ouais, seul, moi non c'est plus, vraiment mais ouais. extrêmement, c'est carrément féministe, quoi, c'est vraiment, c'est. Et donc là, voilà qu'il fasse un film sur un personnage féminin, ça lui va tout à fait. Chez DC Comics, avec leur politique d'auteur, ça lui va tout à fait. J'attends de voir, moi je suis très content de voir que Warner, en fait, qu'on pense qu'ils sont complètement dans la mouise et que rien ne se passe, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se négocient en interne. Et que Ouais. si on en sait. Et que moi, je reste dans la politique de tant qu'on sait pas, c'est que tout va bien. Et Oui. c'est notamment ce que je pense sur le Batman de Ben Affleck, hein. Ah oui, C'est que. mais bah en fait, on en avait parlé dans le dernier Parlons cinéma. Ouais. Que Ben Affleck avait quitté le poste de réalisateur. Voilà, Donc, c'est ça, mais ouais. c'est aussi parce qu'il y a un harcèlement, et je pense que si les médias et américains notamment arrêtent de harceler, c'est Ben Affleck qui l'a dit lui-même, hein, j'invente rien, arrêtent de harceler les réalisateurs quand ils font des gros films, ça se passera mieux, et je pense que Joss Whedon, il va falloir qu'on lui foute la paix. On va voir ce qui va se passer. Ah oui, ça c'est sûr. Mais bon, je pense que Joss Whedon, ça va. il devrait pouvoir gérer, il devrait pas se laisser Il marcher aura le sur. plaisir de les envoyer bouler, je pense. C'est ça, exactement. Donc voilà, une bonne nouvelle, je trouve, et puis on verra bien ce que ça va donner. Hein. Je suis confiant, comme toi. Donc voilà. Donc Star Wars 8, pardon, on en a parlé, donc on n'en parlera pas. Enfin, on n'en parlera plus. Et maintenant, on va Jamais. passer à. on va passer à Avatar. Donc ça, c'est une news qui est sortie assez récemment, il y a 2 jours. Donc James Cameron qui a annoncé les dates des 4 suites Les d'Avatar. quatre suites. Est-ce que tu peux Voilà. mettre l'emphase sur quatre, s'il Oui. te J'ai mis l'emphase sur annoncer, mais aussi 4 suites. plaît? Donc, on a des dates, ce qui est déjà bien. Parce que, bon, pour l'instant, Avatar 2, enfin, il annonce. Pour l'instant, notre plus gros reproche ici à Parlons Cinéma, c'était que. On disait qu'il annonçait 3, 4 suites et qu'il ne donnait pas de date et que même le 2 n'avait même pas, enfin, n'avait même pas de date de tournage. Ouais, bah là on a Donc les voilà. quatre, hein, c'est qui est bien. Voilà. Donc là, on a les 4. Donc maintenant, en connaissant James Cameron, on peut peut-être bouger un peu les dates comme on veut, mais au moins, Bah on a surtout quand ils vont se une. rendre compte qu'il y a les Star Wars qui sortiront en même temps en décembre. C'est ça. C'est ça. Donc, on va donner les 4 dates. Donc, pour le 2, Avatar 2, c'est le 18 décembre 2020. Avatar 3, 17 décembre 2021. Avatar 4, 20 décembre 2024. Et 19 décembre 2025 pour le 5e, du coup, si je me trompe pas. Donc voilà, ça fait peur de penser aussi loin, mais c'est vraiment le cas. Donc ils pensent vraiment sortir à 1 an d'écart 2 films hein, aussi. Hein, ça, enfin, non. En fait, ouais, à chaque fois, 2020, 2021 et 2024, 2025. Donc en fait, ils vont tourner 2 films à chaque fois en même temps, je pense. Et puis ils vont tout faire. Putain, mais le travail de dingue, quoi, le montage et tout. Enfin, bon, j'ose même pas imaginer. Moi, je serais dans la peau de James Cameron, je serais en train de flipper. mais bon, c'est James Cameron, voilà. Donc Avatar 1, moi, personnellement, je l'ai vu quand c'était pas quand c'était sorti, parce que j'avais pas envie de le voir en 3D et tout ça. Enfin, voilà. Je l'avais vu en DVD quand c'était sorti. J'avais apprécié, mais c'était pour moi, c'est vraiment pas de la même trempe que un Mais bien Terminator 2 ou sûr, un oui. Aliens. Voilà. C'est un univers que pourquoi pas, je veux bien découvrir un peu plus. C'est pas. Mais 4 films. Quatre films, films. quatre Quatre films. Déjà films. que le 1 était trop long, quoi. Ouais. Oh Donc non, vas-y, non, arrêtez. je t'en prie. Alors, comment dire? Bah, il y a un... Si, il y a quand même un point sur lequel je suis content de cette news, c'est C'est que les annonces de date. il n'y en aura pas avant Non. 2020. Ah, oui, ouais. Donc C'est ça c'est vrai bien. que. C'est-à-dire que moi, entre Game of Thrones qui s'arrête bientôt, le peu de foot qu'on a d'ici 2020 et tout ça, je vais passer quelques années relativement calme à pas me sentir obligé de m'intéresser à des trucs qui m'intéressent pas. Donc que Avatar ne sorte qu'en 2020, c'est déjà c'est un plaisir parce qu'il ne sort qu'en 2020. Ensuite, bah, qu'est-ce que je peux dire? Comme j'ai dit, je trouve déjà le premier trop long et je trouve que c'est un des films les plus de science-fiction les plus surestimés sur Terre. Ah oui, mais C'est-à-dire c'est que. Mais surestimé, hein, attends, mais mais. vraiment. Les arguments, quand même, ils sont étonnants. James Cameron, il crée tout un univers. Oui, comme J.K. Rowling, Bah, comme ouais, voilà, Tolkien, c'est et ça. sauf que eux disent des choses derrière. Je trouve que James Cameron, il dit quand même pas grand-chose, quoi, dans Avatar. Pour un film qui se Ouais. prétend pour un chef-d'œuvre, c'est un film qui dit pas grand-chose du monde, quand même. Et donc, et puis le final où ils font waya waya comme ça, où ils se tournent sous la pluie, machin truc. Je veux dire, c'est devenu Ouais. Ah, une même. blague dans ma Ouais. famille. C'est-à-dire qu'on Ah ouais, compare le d'accord. niveau de cucu des films à Avatar. Ouais, Donc d'accord. vraiment, donc moi vraiment c'est un film que j'aime pas du tout. Est-ce que j'irai voir les nouveaux? Oui, je pense que j'irai pour pas mourir idiot. Mais en soi, quatre suites! Il va nous sortir, mais déjà il sera mort d'ici là. Et ensuite, Ouais, mais ouais, mais moi, ensuite, en plus, il va les décaler ces films. Je suis désolé. On fera pas quoi qu'il sortira en même temps que Star Wars. Et Disney décalera pas Star Wars. Et Bah si on non. s'imagine qu'Avatar 2 fera le même score qu'Avatar 1, je pense qu'on se met dans l'œil bien profond. Ouais, Mais parce que je pense mais. que le film a ses fans, mais qu'il ne sera pas le succès planétaire qu'a été le premier. Parce que pour moi, c'est un énorme malentendu. Ah oui, non, Donc, mais le premier, déjà, c'était une énorme machine de com. Et en fait, ce qui Bah oui, m'a c'est pas. ça, faut pas confondre le nombre de gens qui vont le voir et le nombre de gens qui vont apprécier, hein. C'est aussi ça, hein. Ce qui m'avait dégoûté d'aller voir le film au cinéma, c'était l'énorme hype qu'il y avait, enfin l'énorme hype et puis l'énorme machine de com derrière qui me survendait un film dont les bandes annonces m'intéressaient même pas. Alors que Ouais. j'étais un grand fan de Terminator Bah oui. et de Aliens, donc donc voilà, c'est enfin bon, Avatar 2, je j'attends pas. Moi, je suis pas aussi optimiste que toi qu'on va plus en entendre parler jusqu'à 2020 parce que je Non, sens mais je veux qu'on dire, va il n'y en aura devoir pas en de parler. harcèlement, quoi, tu vois. C'est juste ça. Ouais. On va devoir en parler dans Parlons Cinéma. Enfin, dans Parlons Cinéma. De toute façon, on en parlera que quand il y aura des J'écouterai grosses news. Hein. On va pas parler à jamais. chaque fois qu'il y a un acteur qui va se mettre au casting parce que sinon, on va Je vois pleurer, que je le film sera pense. décalé surtout. Ouais, voilà. Alors, encore décalé de 6 mois, Donc. puisqu'il y a il y a 3 séances par an maintenant en 2021. Oh putain, oh, le cauchemar du futur, j'ai pas pensé à ça. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur Avatar. Voilà, si vous attendez les films, dites-le dans les commentaires et pourquoi vous les attendez. Voilà, tant qu'à faire. Sans trop Je d'insultes pense si que. possible. Oui, désolé de pas, enfin, on n'a pas vraiment chié sur le film, hein, ça va, ça va pas non plus. Bon, voilà, on a fini avec les news. Merci beaucoup Adrien d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir de t'avoir. Excuse-moi, je te Ah oui. coupe, il n'y avait pas Kingsman aussi? Ah. Kingsman, Golden Circle. Ah mince, j'ai coupé de Bobby, désolé. Non, non, mais c'est juste parce que... Ouais. Non, mais j'ai complètement oublié, donc voilà, on va en parler rapidement. On a eu un tout petit teaser, pas grand-chose, hein, c'était quelque chose que l'acteur principal, j'ai oublié le nom, Taron Egerton, il Egerton, me semble. Egerton, ouais. Voilà. Et Morgan va me tuer s'il écoute ça. voilà. Moi, le premier film, j'en ai déjà parlé, c'était pas... C'était, la hype était trop... était beaucoup trop haute sur ce film pour moi et je l'ai vu ça comme un simple divertissement sympatoche mais sans plus et voilà donc le teaser on n'en apprend pas grand chose donc et une bande annonce va bientôt sortir apparemment Oui, dans demain ou les quelques après-demain, je jours à crois. venir donc ouais donc on en parlera dans le prochain Parlons Cinéma de toute façon on essaiera d'avoir Morgane avec nous pour en parler. Ouais. Puisque je pense que c'est le plus légitime pour en parler. Bah, je crois que c'était son film préféré Mais de l'année où voilà. il est sorti, hein. Il me semble. Oui, il me semble que c'était son film qu'il attendait le plus. Donc voilà. Toi, qu'est-ce que tu. Enfin, est-ce que t'attends le film? Et qu'est-ce que t'avais Bah pensé rapidement du premier? oui, parce que j'aime beaucoup le premier. En fait, j'aime beaucoup Matthew Vaughn, donc ça. Ça aide, Oui, c'est-à-dire que j'avais c'est beaucoup un bon aimé réalisateur. Kick-Ass, et Ouais. pour X-Men le commencement, c'est le chef-d'œuvre de la saga. X-Men. Donc, oui, j'avais beaucoup aimé Kingsman, je trouvais ça très sympa. C'est un espèce d'hommage à James Bond, un peu bien foutu, avec un peu de nudité, un peu de. Voilà, c'était une espèce de parodie de pastiche de James Bond qui était très réussi, je trouve. Bon, là, le deuxième teaser, enfin, le premier teaser, pardon, c'est quand même hyper cryptique, c'est-à-dire que moi j'ai dû voir un ralenti pour voir ce qu'il y avait dedans. Et les Ah images qu'on oui, voit, non, mais ça m'a c'est l'air d'être un vraiment... délire total. C'est-à-dire que il y a, Ouais. comment il s'appelle, un acteur de Magic Mike, Channing Tatum, Ah, Channing avec son Tatum, ouais. chapeau qui tire sur des trucs. À côté, il y a l'espèce de. Ça m'a fait penser au ton de la bande-annonce de Thor 3 un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de délire complet. On sent qu'ils vont beaucoup plus loin dans le premier film. Alors ça peut être génial comme ça peut être D'accord, ouais. complètement raté, parce que si seul l'intérêt du film c'est de reproduire en mieux ou en deux fois ce qu'on a aimé dans le premier film, pour moi ça n'a aucun intérêt. Mais je sais plus si c'est Matthew Vaughn qui réalise, j'en suis pas convaincu. Je C'est sais ça, même en plus plus maintenant. j'ai pas fait mes devoirs. Non mais moi non plus, j'ai pas fait ma recherche. On va vite regarder. Dans The Kingsman 2. Donc oui, c'est toujours lui qui Toujours lui va réalise. très bien, bah du coup oui ça m'intéresse, ne serait-ce que parce que c'est Matthew Vaughn, donc oui j'ai bien envie de le voir on va dire, mais après bon vraiment le teaser est tellement cryptique que il n'y a pas grand-chose à dire des ambitions esthétiques du film pour l'instant, hein. Mais oui pourquoi pas après Ok, tout. d'accord. Oui, bon, moi je j'attends d'en voir plus, on va dire, Je trouve pour être ça dommage qu'ils aient convaincu. spoilé entre guillemets Mais bon. que Colin Firth revenait quoi. C'est Ah un oui, ils tout ont, de toute petit peu un façon, spoiler quand même, c'est hein. marqué en gros sur l'affiche que son nom, donc je pense Oui, que, c'est ça. à moins que Tout ce à soit dans fait. un Ouais. flashback, on verra bien, mais C'est comme quand on a vu des enfin, images je d'Henri sais pas Cavill comment. dans Justice League très tôt au début. Enfin, je trouvais ça dommage, quoi. Je trouve que il y a des Oui, choses que l'on sait parce qu'elles sont dans le ouais, non, c'est. non-dit. C'est dommage de les dire, je trouve. Mais bon, Ouais. c'est une petite réserve. Donc voilà. Oui. donc voilà, maintenant je vais pouvoir faire la fin de l'émission. voilà, je voulais te remercier d'avoir participé. C'est toujours Bah, un je t'en plaisir prie, de c'était un t'avoir. plaisir. Ben, j'espère qu'on pourra refaire ça prochainement, du coup. Bah oui, moi Parce j'ai plein de que temps c'est toujours maintenant, on dit. sympa d'avoir ton avis. Parfait. Ben moi en ce moment c'est un peu, je suis en période d'examen donc ça commence à stresser donc voilà. Mais dans un mois ça devrait être bon. Ah bah oui, super, Donc pareil. s'il y a, ouais, ben s'il y a pas de, enfin déjà le podcast on est désolé, enfin je suis désolé de le sortir aussi tard parce que il y a eu beaucoup de soucis au niveau planning etc. C'est pas, enfin on s'est pris un peu de tard, donc voilà, c'est pas, c'est de ma faute, mais je suis désolé. J'essaierai de sortir, enfin, on va essayer de sortir un podcast Movies Nerd ce mois-ci, mais je sais pas, faut qu'on en parle encore avec Eddie Morgan, tout ça. Donc voilà. Toi, Adrien, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et puis tu peux rapidement parler, enfin, redire le nom de ton podcast, comme ça Alors, vous pouvez me trouver à les gens pourront y l'écrit aller. sur smallthings.fr, donc Adrien Myers de la rue, sur Twitter, @zforstuff, et surtout, donc, notre nouveau podcast dont Axel a déjà bien fait des louanges, qui s'appelle donc le podcast des Four Horsemen, où on revient sur l'actualité cinématographique nous aussi. Et je vous demande un truc, abonnez-vous sur Twitter. Bah. On doit avoir 15 followers à tout Ah oui. casser. Ah oui, Et le force problème, man. c'est qu'en fait, pour ceux que notre émission intéresse, parce qu'il y en a, on fait des chiffres que je considère comme pas mauvais, Ah bah c'est bien. il faudrait qu'ils sachent qu'il y en a un nouveau qui sort. Or, on n'a pas de page Facebook. Et ça Ah, gravite que d'accord, par ouais. nos comptes Twitter personnels. Donc, si vous êtes intéressé par l'émission, si vous l'avez déjà regardé ou si vous comptez la regarder, je vous conseille, d'un point de vue pratique, et puis aussi parce que ça nous fait toujours du bien d'avoir 2-3 followers, Bah de nous oui. abonner à notre compte, donc Four Horsemen Podcast. Donc c'est pareil, Ouais, on a et... beaucoup moins de régularité que nos amis chez Movies Nerd, Ouais, enfin... puisque en fait c'est le temps de réunir l'équipe, le temps. Et en plus l'équipe change plus ou moins à chaque émission, donc c'est toujours assez difficile de trouver une régularité à ce niveau-là. Donc là, a priori, il n'y aura pas grand-chose de neuf avant le mois prochain, je pense. Mais D'accord, on ouais. verra bien, de toute façon, Mais ouais, l'aventure de est au toute coin de la rue. façon... Nickel. Et de toute façon, il y aura tous les liens dans l'article du podcast, de ce podcast. Donc, si vous voulez, enfin, si vous n'avez pas retenu tout à l'audio, vous pouvez retourner sur le site. D'ailleurs, je vais parler un peu rapidement du site. Donc, c'est moviesnerd.net. Là, vous pouvez retrouver toutes nos critiques, toutes nos émissions. Vous pouvez écouter le dernier podcast qu'on avait fait avec Eddie. C'était le Movies Nerd hors série sur La Belle et la Bête, où on parlait des quatre films principaux de La Belle et la Bête, c'était vraiment sympa à faire. Donc, si vous l'avez toujours pas écouté, allez l'écouter si ça vous intéresse. Et puis moviesnerd.net. En ce moment, il y a pas, comme je disais, il y a pas beaucoup de nouveautés parce que moi, c'est en ce moment, c'est il y a pas mal de choses que je dois faire à côté et je peux pas me concentrer à fond sur le site. Et ça. Croyez-moi, je suis le premier déçu, mais bon, je suis obligé de mettre des choses avant le site. Mais ça va revenir bientôt, puisque je serai beaucoup plus libre à partir du 2 juin, il me semble, quelque chose comme ça. Faudrait que je vérifie les dates encore, mais voilà. Et on pourra refaire des podcasts, etc. Et puis voilà. Sur les réseaux sociaux, le site c'est Movies Nerd, donc sur Facebook, et Movies underscore Nerd sur Twitter. Moi personnellement, pardon, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Sens Critique. C'est TheLexal, TheLexal. Et puis je crois que j'ai tout dit. Ah oui, allez sur iTunes parce que ça nous aide beaucoup. D'ailleurs, vous avez un iTunes Four Horsemen? Non, pas encore, faut que j'en crée un. Ça nous aiderait aussi à retrouver des vues, faut que je vois un petit peu la procédure. J'ai pas encore regardé. Mais Oui, c'est ouais, dans les il faut cartons, on va dire. postuler, etc. chez Apple, c'est un peu compliqué. Voilà, mais en tout cas, pour le podcast Parlons Cinéma et Movie Nerd, si vous écoutez Movie Nerd, mais en tout cas, si vous écoutez Parlons Cinéma, ça nous aide beaucoup si vous allez mettre quelques petites étoiles sur iTunes, parce que ça nous permet de monter dans le classement des podcasts cinéma, et comme ça, plus de monde peut avoir connaissance qu'on existe et peuvent nous écouter. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Merci encore à toi, Adrien. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté. Et puis, je crois qu'on vous dit à la prochaine pour le prochain Parlons Cinéma. Salut. Merci, à la prochaine.